je te vois, je suis censé rester pour sexy, ma belle, t'es pas du genre à venir en taxi. Le chauffeur t'a déposé toi et ta beauté. Mat le tapis que je suis en train de te dérouler avec classe. Mais je n'ai pas le temps, car un minute tout s'efface comme Cendrillon. Si le courant passe, mon carrosse est devant, mais. Et je suis censé rester cool. So fresh and so clean, try and get a vibe and keep it low key. I said don't worry, the drinks is on me. And how to keep cool when this chick is so real. Damn, blown off the meter. Repeat to myself, keep cold when you meet her. Don't need to get drunk to talk, but with that juice in your truck. How am I supposed to keep my C'est cool les amis, c'est mardi, c'est le 27 septembre. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien, que vous avez passé une belle nuit, que vous êtes en pleine forme. Et si c'est pas le cas, on est là pour ça, l'équipe de Bruno dans la radio. On va arriver chez vous dans quelques minutes, il y a tout le monde qui est là. Il y a Elliot, il y a Vaché, bonjour. Il y a Christina, il y a la team du JPI, le standard, il y a Fonf à la Réal, il y a l'équipe du web. Bref, toute l'équipe est là chez vous dans quelques secondes. Le son de Fun Radio pour vous tirer du lit, on aura quoi? On va attaquer l'émission avec le nouveau Martin Garrix. Il est sur la compile Bruno dans la radio, le nouveau Martin Garrix, In the Name of Love. DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You. Ce sera aux alentours de 6h15. Et avant la nuit, Richard Orlinski. Avec la voix d'Eva Simons, In the Name of Love. Heartbeat. J'ai dit quoi? Name of Love, c'est Garrix. C'est Martin Garrix, autant pour moi. J'ai fait une petite inversion. Bon, bah, ça peut arriver. Et avant 6h du matin, on a le droit de faire des inversions. C'est on va chez... Non, Elliot, c'est Elliot. Oui, ça, oui, c'est moi. 32-28, les amis, vous appelez maintenant. Il y a un tout ou gagné, tout ou perdu qui s'annonce avec une PS4, un écran LED 32 pouces, des enceintes Philips Rose et la compile Bruno dans la radio à gagner. On arrive chez vous après les news. À tout de suite. Fun Radio. Le son. Fla. Max Poulaouec pour les premières infos de ce mardi. Salut Max. Bonjour Bruno, bonjour à tous. On commence par la météo en ce 27 septembre. Du soleil pour les trois quarts du pays. Le temps sera couvert en revanche dans le nord-ouest sur les pays de la Loire, la Bretagne et la Normandie avec un peu de pluie en matinée. Les températures au réveil sont comprises entre 9 et 13 degrés jusqu'à 18 pour la Méditerranée. Dans l'après-midi, il fera 19 à Cherbourg et Aurillac, 21 à Lille, 22 degrés encore pour Paris et Lyon, 23 à Bordeaux, 26 à Perpignan. La douche froide pour le gouvernement. Les chiffres du chômage ne sont pas bons. Le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 1,4% au mois d'août pour s'établir à 3 560 000. Une hausse inédite depuis janvier 2013. La ministre du Travail l'explique en partie par les difficultés rencontrées dans certains secteurs d'activité particulièrement affectés par les attentats. Les salariés d'Alstom, eux, sont toujours dans l'attente. Le PDG de l'entreprise rencontrait hier les organisations syndicales. Il ne veut pas confirmer ou non la fermeture du site de Belfort sans un retour du gouvernement. L'exécutif pourrait présenter des mesures pour soutenir les commandes et la filière industrielle ferroviaire, mais elles se font désirer. La promesse de François Hollande, le président en déplacement à Calais hier, a assuré vouloir démanteler la jungle avant la fin de l'année. Il reviendra sur place ensuite pour qu'il n'y ait pas de doute sur sa volonté et sur ses intentions. Sans surprise, le Conseil de Paris a validé hier la piétonnisation des berges de Seine rive droite au cœur de la capitale. La maire Anne Hidalgo a salué une décision historique, la fin d'une autoroute urbaine à Paris et la reconquête de la Seine. Un arrêté municipal doit maintenant être publié. 43 000 véhicules circulaient chaque jour sur ces berges classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Du foot ce soir, on jouera la deuxième journée des phases de groupe de la Ligue des Champions. Deux clubs français seront de la partie. Lyon ira à Séville alors que Monaco recevra le Bayer Leverkusen. C'est à 20h45. Bon réveil avec toute l'équipe de Bruno dans la radio sur Fun. Fun Radio. Mardi, c'est le 27 septembre, c'est Fun Radio que vous écoutez. Il est 6h03. Bonjour! Bonjour! Et bienvenue sur Fun Radio, la famille. J'espère que ça va bien, que vous avez passé une belle nuit, une belle journée qui s'attaque. Peut-être que vous êtes déjà en pleine journée. C'est vrai que moi, je suis en train de penser, là, nous, on est à 6h du matin en France, mais avec le décalage horaire, je me dis que Teddy, qui est fermier dans le Wisconsin, lui était déjà en train de bosser sur sa moissonneuse batteuse, oui. Et il doit être ravi de nous entendre arriver sur Fun Radio. Moi je suis vraiment très content quand j'entends leur voix qui arrive sur Fun Radio le matin. J'entends Bruno dire bonjour et j'adore Bruno, j'adore Christina, j'adore Vaché, j'adore Elliot. And I put my dick in a horse, you know, a big horse, and I go like. Et après je pars faire du cheval parce que j'aime faire du cheval le matin. The horse is running, I love it. Toute l'équipe de Bruno dans la radio. Et là ce matin, il y a Christina. C'est marrant, je savais qu'à 6h, ouais. Eh ben, il sera encore plus sympa, Teddy. Ah bon? En fait, j'avais entendu, enfin moi je le connais pas personnellement, mais j'ai lu un article sur Teddy, parce que du coup, vu qu'on en parle souvent, il y a des gens qui s'intéressent à lui. Apparemment, c'est un ami des bêtes. Hein, mais c'est ça, ouais. C'est ça, il fait beaucoup d'animaux différents. Disons qu'il y a eu Brigitte Bardot et il y a eu Teddy. Voilà. Après, ils ont des rapports différents avec les animaux, mais ils les aiment. Bah, sexuel, quoi. Déjà, premier temps. Ça va, Elliot ? Ça va. Et tu penses que Teddy se soucie du débat entre Hillary Clinton et l'autre ? Là, je peux commencer. Je sais pas, Donald Trump. L'autre, je sais pas comment il s'appelle. Moi, je m'en soucie pas, si vous voulez ma réponse. Déjà, qu'en France, je m'en fous des débats. Alors. Vous zappez, en fait, le matin entre différentes radios, et puis à un moment, vous vous dites : qu'est-ce que je fais ? Soit je vais sur France Info, soit je vais sur Fun Radio. Bon, bah, vous savez, si vous voulez en savoir un peu plus sur le débat des présidentielles américaines, peut-être que vous avez bien fait de choisir Fun Radio. Ouais. Parce qu'on est calé, vraiment. Allez, comme chaque matin, l'émission appartient à un auditeur ou une auditrice de Fun Radio. Et ce matin, c'est une auditrice, c'est Angélique. Elle habite Moineville, c'est dans le 54. C'est en Meurthe-et-Moselle, elle a 24 ans. Applaudissements pour Angélique. Ouais. Bonjour Bruno, bonjour la famille. Bonjour. Angélique, tu es notre auditrice du jour, ma belle. Oui, bonjour. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Je suis téléconseillère en assurance maladie. Très bien. C'est-à-dire, t'appelles les gens et tu leur proposes des services? Non, justement, c'est eux qui m'appellent pour savoir mon meilleur dossier. Très bien. Est-ce que des fois, et tu me dis la vérité, Angélique, oui. T'es à côté d'une collègue et vous êtes en train de bitcher toutes les deux. Mmh. Et là, à ce moment, le téléphone sonne, mais elle n'a pas fini cette super anecdote qu'elle était en train de te raconter. Est-ce que, honnêtement, tu te dis ça va attendre, tu mets en attente et moi je suis de l'autre côté du téléphone et ça me fait un message genre vous êtes en relation avec l'assurance maladie, veuillez ne pas quitter, toutes nos lignes sont occupées pour le moment, nous allons donner suite à votre appel. Dis-moi la vérité Angélique, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé. Je le savais putain. Et toi t'as le message, votre temps d'attente n'excédera pas 12 minutes et 27 secondes. Et le pire, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais le pire, c'est que tu attends parce que tu as vraiment besoin de cette info, d'accord? Donc tu dis, tu mets le haut-parleur de ton téléphone, tu le poses, et dans le fond, tu attends ça, d'accord? Oui. Tu regardes, au bout d'un moment, tu dis, bon, 10 minutes, normalement, ça va répondre. Et là, à un moment, la musique s'arrête, tu dis, ah, super. Exactement. Et ça fait... c'est vrai. Et là, je t'explique. C'est vrai. Où que se trouve le service, le serveur de téléphonie, je pourrais prendre mon véhicule et faire un carnage. Je te l'avoue. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps avec la hotline de je sais plus qui, je crois que c'est chez Orange, et je pense que j'aurais pu me déplacer où se trouvait le gars. Mais même à l'étranger, je prenais un avion juste pour aller lui foutre ma main dans la gueule. Bon, bref, Angélique. Bon, oui. Bref. Avant qu'on te casse la gueule, est-ce que tu as quelque chose à dire? Angélique, c'est toi l'auditrice du jour. Après tout, tu fais ce que tu veux, tu es la patronne jusqu'à 9h15. Et en plus, tu as la possibilité de poser une question à un des membres de l'équipe. C'est la question du jour. Tu peux la poser à qui tu veux. Et le qui tu veux en question est obligé de te répondre. D'accord. Bah, j'aimerais bien poser ma question à Elliot. Elliot. Ah, dis-moi tout. Pour combien tu accepterais que ta copine te trompe? Ah, c'est une bonne question. Oh, tu sais, Elliot, je pense à mon avis un bon poulet sauce saté. Non, poulet caramel peut-être. Non, alors ça dépend. Est-ce que si c'est avec une star, franchement, pas cher. Parce qu'après, tu peux avoir des détails croustillants et tout. Et genre, si demain elle veut coucher avec Brad Pitt, elle pourrait me dire la taille de son ouais. zizi et tout. Après, il faut que Brad Pitt veuille aussi. Hein, ça peut t'as qu'à dire que ma femme est mais non, c'est pas ça. C'est qu'il habite loin. Mais attends, pas cher, Elliot, c'est combien ouais. Bah, pour 300, 400 euros, quoi. Là, il faut que j'ai envie de m'acheter oh, une mais PS4. Mais tu la brades, ta meuf la brade c'est horrible tu me l'enlèves pardon. De la bouche, ouais. Excuse-moi. Non, non, ouais. Après, avec un inconnu, pour 10 000, 20, allez, 20 000 boules, ouais. Non, et une question juste comme ça. Pour Bruno ou moi, imagine, on ouais. veut coucher avec ta meuf, pour combien tu nous laisses faire ça? Pas les deux en même temps. Hein, cette discussion est extrêmement gênante. Et bah, c'est ça. Comme ça, on est fixé, on en parle. D'accord, très bien. Bon, okay. C'est vrai. Alors, pour combien? Pour combien? Ouais. Et genre après, je le sais quoi. Oui, tu le sais, mais on le fait pas devant toi. Pour 200 000 euros. Ah ouais? 100 000 euros chacun, comme ça après, genre. Et si on le fait devant toi, tu casses 50 000 ou pas? Moi, je vais vous le dire, pour 50 000, vous couchez avec la mienne. Ah ouais? Ah ouais, moi, je vous bah, mais vous êtes fous, les gars. Justement. Oh, arrête, c'est en discount. Angélique, oui. Angélique, j'aimerais que tu n'aies jamais posé ouais. cette question. C'est une mauvaise idée en fait. Oh, pardon, je suis désolée. J'ai des images là maintenant qui arrivent et j'ai pas envie de voir ces images. C'est discount. Angélique, tu as la ligne directe du studio. Ça veut dire que jusqu'à 9h15, tu pourrais intervenir quand tu veux. Tu seras directement relié ici à l'antenne. D'accord, ma belle? D'accord, y a pas de soucis. On te fait des bisous, ma chérie. Bisous. Femme déjà servie pour un enfant à vendre sur le bon coin. Oh mon dieu, quelle horreur. Mais, les amis, vous êtes en train de parler de la condition féminine, vous ouais. le savez. Oh. Ouais, mais il est tôt, ça. Ouais, ouais c'est vrai, écoute. Y a pas d'heure, par exemple. C'est Martin Garrix. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? Trust me when you're jumping from the heights. Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all bienvenue sur Fun Radio, aujourd'hui c'est mardi, c'est le 27 septembre. J'ai envie de parler un peu comme une messagerie de répondeur. Vas-y. Vous avez un disque en attente. Justin Bieber, non ça va être chiant. Let Me Love You, DJ Snake, Justin Bieber. Ça va arriver là dans moins de 5 minutes sur Fun Radio. Tiens, on parlait tout à l'heure de la chérie d'Eliott oui. avec Elliott, hein, qui est donc Tiffen. Prêt à la prêter pour une somme conséquente, mais enfin, il est prêt à la prêter quand même. Hein. Oui, mais après, on partage. Et du coup, on était en train de parler de nos meufs respectives, oui. Là, hors antenne. Et Vachier nous disait qu'il avait une tannée avec Mariana cette nuit. C'est pas une tannée, c'est au-delà d'une tannée. C'est-à-dire que j'ai pas dormi de la nuit, en fait. J'ai dû dormir en vrai une heure, je pense. Parce qu'elle est partie se coucher avant moi hier soir. Et quand je suis arrivé dans la chambre, en fait, elle dormait de mon côté, du côté droit. Oui, d'accord. Et moi, au début, je me suis dit, je vais la réveiller. Après, je me suis dit, ok, elle est enceinte, machin, faut qu'elle se repose. Donc, je l'ai laissée. Donc, je me suis mis de son côté, côté gauche du lit. Mais j'ai pas réussi à dormir. Je ne sais pas dormir côté gauche. Moi, je dors à droite, côté armoire et porte. Voilà, je sais bien dormir de ce côté-là. Mais côté table de nuit et mur, j'arrive pas. J'ai hyper mal dormi et elle s'est pas réveillée une seule fois. Je me suis dit, à son premier réveil, je lui ai dit, vas-y, on change. Elle s'est pas réveillée. Impossible pour moi de dormir à gauche. Je peux comprendre. Ouais, je peux comprendre. Vous avez un côté du lit. C'est con, aussi. Mais. Ouais. Et vous changez jamais. Ouais, rarement. C'est quoi, vous, gauche ou droite? Bah, en fait, ouais, c'est. Moi, je parle quand lit, ouais. Je suis dans le lit, moi. Quand je suis dans le lit, c'est côté gauche, point. Ah, mais t'es comme. Non, t'es pas comme moi. Arc. Ouais, dégage. Moi, quand je suis dans le lit. C'est comme Bruno, moi, j'ai le mur et la table de nuit, ouais. Côté gauche, alors? Ah, ouais, enfin, ça dépend comment est foutu ta chambre, tu me dis. Moi, c'est côté porte, surtout. Tu vois? Ah, ouais. Moi, ouais. C'est côté porte aussi. Ouais, en cas d'incendie, comme ça, je suis le premier à sortir. Mais moi aussi, c'est côté porte, c'est parce que je suis à droite, ma porte, elle est à droite. Mais cela dit, peut-être que. Est-ce que vous avez des habitudes que vous n'arrivez pas à changer ou difficilement, Christina? Mais moi, ma vie est une habitude, en fait. Ouais, c'est horrible, mais je crois que du matin au soir, j'ai des habitudes. Par exemple, avant de me coucher, je sais qu'il faut que j'aille chercher un verre propre, qu'il faut que je boive une gorgée. Je vais sur les réseaux sociaux, je bois une gorgée, ensuite je dors. J'ai plein d'habitudes comme ça, mais tu sais, j'y réfléchis plus, en fait. Mais ma vie est une... C'est que ça. Moi, je sais pas pourquoi, mais j'imagine que Christina, si ton mec utilise par exemple ta serviette de bain sans te le dire, ah non, mais et ça, que toi c'est tu sors de la douche et qu'elle est déjà mouillée, injouable. Tu peux péter un plomb. Ça m'étonne grave. Pas. Ça. Alors que nous, on s'en fout, on en a qu'une. Quoi. Vous avez pas des petites habitudes comme ça, vous, Elliot? C'est pas des habitudes, Bruno, pour Chris, c'est des tocs, là. Il faut consulter, mademoiselle. Je sais que j'ai des problèmes. Ouais. C'est quoi, tiens, on peut en parler. 32-28. C'est quoi les petites habitudes que vous seriez incapable de changer? Je vais chercher, moi. Je dois en avoir deux trois qui traînent. Il y en a beaucoup dans le lit. Moi, c'est retourner mon coussin dès que je m'endors pour avoir le côté froid. Ah, alors ça, oui. C'est pas que des habitudes au lit, on peut parler d'habitudes à d'autres endroits de la maison, des habitudes au quotidien, vous pouvez pas, voilà, vous êtes incapable de faire sans. Genre le papa qui s'assied toujours au bout de la table quand il mange, quoi. Il peut pas manger ailleurs, mon père faisait ça. Ouais, par exemple. Je sais pas pourquoi. Et bah 32-28, on fait de la radio ensemble. Pour l'instant, on joue. Gaël a 21 ans, il habite à Narbonne, on part dans l'Aude ce matin. Applaudissements pour Gaël. Salut Bruno, salut la famille. Salut Gaël, comment ça va mon pote? Très bien, et toi? Eh ben écoute, plutôt pas mal, je te remercie. Tu fais quoi dans la vie? Je suis chauffeur poids lourd. D'accord, tu fais le national, l'international, tu t'en... Ah non, que le national, ça ira. Que le national, et tu transportes quoi? Du poisson, de la boucherie, du primeur. D'accord, un peu de tout, quoi. C'est vrai que transporter du poisson quand t'es à Narbonne, ça paraît logique. Pourquoi? Ça va. Après, voilà, c'est le boulot, il faut continuer comme ça. Ouais, bien sûr. Non, géographiquement, je suis en train de me placer Narbonne par rapport à... Ben si, Narbonne, il y a la plage, ouais, bien sûr. Ah. À côté de Montpellier, vers Montpellier, ouais. C'est bon, je l'ai. C'est bon, je te copie, l'ami. C'est bon. Je vois où tu te positionnes. À kilomètre 122. Ouais, c'est bon, je vois. Plein kilométrique, hauteur dénivelé, 123 mètres. Bon, Gaël, tu viens de gagner une PlayStation 4. Oui. Je rajoute à cette PlayStation 4 la TV qui va avec, un écran LED 32 pouces. Je rajoute des enceintes Philips plus la compile Bruno dans la radio. Ces quatre cadeaux, ils sont à toi Gaël, à toi de les garder en répondant correctement à quatre questions que je vais te poser. Chaque mauvaise réponse, c'est un cadeau qui disparaît. Nous sommes d'accord ? D'accord, très bien. Eh bien c'est parti, première question. Il existe une technique divinatoire qui permet de... Ah, Gaël, qu'est-ce qui se passe? Kilomètre 122, une moto à 220 km/h. Ok, je te copie, l'ami, nous prenons tout de suite l'annonce. En liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Ok, on y va directement. Gaël, je répète cette question. Avant qu'une autre Formule 1 qui passe à côté de toi. Il existe une technique divinatoire qui permet de prédire l'avenir par les éternuements. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, je vais dire faux. Au revoir la PS4. Non mais à quel moment les gens ne se disent pas je suis en train de me faire escroquer? Quand on dit tiens, là à ton éternuement, je vois qu'il va se passer un truc grave dans ta vie. Tu sais que hier je regardais comme tous les soirs, parce que je suis fan de Yann Barthès, quotidien sur TMC. et il faisait un sujet justement sur les voyants d'IDF1. Ouais, où il y a un mec qui lisait l'avenir, tu disais t'appeler, il disait bah, ouais. Vous êtes quelle couleur de cheveux? Bah je suis brun. Ah, et il lisait l'avenir par rapport à ça en fait. Ouais. Et la nana faisait que se planter, genre ah je vois que vous êtes en couple avec un homme plus vieux. Non non, il est plus jeune. Ah oui, mais il fait plus vieux, non? Essayez de se rattraper. Bon Gaël, on joue pour la télé, l'enceinte et la compile. Deuxième question. Le tunnel sous la Manche est long de 225 km. C'est vrai ou c'est faux? Je vais dire vrai. Ah ouais, bah il aurait bougé pendant la nuit alors. Je suis pas du Nord, moi. Non mais Gaël, est-ce que tu penses vraiment que entre la pointe de la France et l'Angleterre, il y a 225 km au point le plus court? Ah ouais, non, quand même, ça fait beau. Et ben bah, voilà. Il fait 50 km et demi le tunnel sous la Manche. Oh, okay, tu perds la télé. Nous jouons pour l'enceinte et la compile. Troisième question. À Shanghai, ceux qui enfreignent le code de... Mais c'est quoi ce bruit qu'on entend derrière toi, Gaël? Je sais. Mais bon, je l'entends, mais... Mais... mec, il y a des sur gens un circuit. Qui... C'est ça, mec. T'es en train de me parler et toutes les deux secondes... Ouais, je sais, t'entends. Quand on te dit de te garer sur le bas-côté, faut rester dans ta voiture, hein, faut pas sortir. Non, je suis dedans. Hey, on va voir les images du prochain Grand Prix. Il y aura une Twingo au milieu, c'est Gaël en train de jouer avec nous, qui se sera perdu. Bon, allez, je reviens sur ma question. À Shanghai, ceux qui enfreignent le code de la route ont le choix entre lire les nouvelles sur les accidents quotidiens dans les journaux ou payer leurs amendes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux. Ah, ça y est, enfin. Enfin, une bonne réponse. Ah ben non. Gaël, j'ai l'impression que t'es pas à l'abri de nous faire un grand chelem. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Tu perds l'enceinte. On joue pour la compile. Dernière Allez. Question. Allez, Gaël, tu te concentres. Allez. Sur la planète Mercure, un jour dure 1408 heures. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Pense à la Terre par rapport à son positionnement au Soleil. Pense à Mercure. Tu dis c'est faux. Et oh c'est tout perdu. Ouais. Tu sais quoi? Ça s'applaudit vraiment parce que là. Oh, mais... oh mon Dieu. Gaël, j'écoute tous les matins. Et Gaël, non mais tu sais quoi? Et d'une, il y a le stress de se retrouver en direct à l'antenne. Bah, oui. Bah, d'accord. Oui. Ouais, c'est ça aussi. Il ouais. y a le stress de se faire écraser par une Formule 1. Et puis de deux, appeler d'un circuit de Formule 1, c'est pas donné à tout le monde. Gaël, sache que c'est très très rare le toutou perdu. Et, ouais. Et ben, on se souviendra de toi par rapport à ça, vraiment. Ouais. Et dans les générations. Bon, je m'en souviendrai aussi. Dans les générations futures, on continuera de parler de toi quand les gens donneront ce prénom en disant. Et Gaël. Et là, les gens diront Gaël. Gaël, comme ce Gaël qui, un mardi 27 septembre 2016, a tout perdu sur Fun Radio. Vous me parlez d'un Gaël et les gens diront oui, c'est lui. Gaël, on t'embrasse, mon pote. Merci, vous aussi. Continuez comme ça. Eh bien écoute, merci. Ne continue pas comme ça par contre, hein, ce petit manège. C'est Fun Radio les amis, bon réveil. Dans quelques instants, on parle de ces habitudes que vous n'arrivez pas à changer. Le temps d'écouter Justin Bieber et DJ Snake sur Fun Radio. Salut, c'est DJ Snake. Le matin, on se réveille avec Bruno dans la radio sur Fun Radio. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. Let me love you. Les tendances sur Twitter, là, ce matin, si vous ouvrez les yeux, vous avez vite fait sur Twitter, sur les réseaux sociaux, vous dites de quoi ça parle ce matin. En un, on a le débat présidentiel. Entre Hillary Clinton et Donald Trump. Et en deux, on a le hashtag Brûlot Fun Radio. Ça fait plaisir. Il est que 6h24. Franchement, ça fait plaisir. On peut débattre, hein, vraiment. Moi, ça me brancherait un peu d'être président des États-Unis. En plus, je parle la langue couramment, donc ça pourrait être sympathique. Une démo. Ouais, ce serait quoi tes premiers mots si t'étais élu président des États-Unis? Bon, il y a peu de chances que ça arrive. Ouais, me, president of the Republic, yes. I swear that everybody will wake up with the best morning in the world. Ah, ce qui veut dire, dis donc, aujourd'hui, j'ai mis des baskets, j'ai l'impression que c'est pas ma taille. les amis, hashtag Bruno Fun Radio sur Twitter, et vous utilisez ça aussi sur Instagram, sur Facebook. Bah, je sais que toutes les radios font ça le matin, on a une petite différence avec les autres, c'est que on lit vos messages, et puis surtout on y répond, on essaye de répondre à tous vos messages en tout cas. Hashtag Bruno Fun Radio, ça tombe bien, on va en parler maintenant là. Jusqu'à 9h, c'est Bruno dans la radio. C'est plaisant de vous voir sourire. Bruno. On est en train de parler de ces petites habitudes qu'on peut pas changer. Voilà. Avec Vacher, sa femme s'est couchée du mauvais côté du lit cette nuit. Enfin, du mien. De son côté, oui, du mauvais côté pour elle. Ouais. Et du coup, ça t'a mis chanchon, t'as pas dormi. Ouais, je peux que dormir à droite. Si je suis à gauche d'un lit, j'arrive pas. Je peux comprendre. Est-ce que vous avez des petites habitudes? Vous pouvez pas les changer. Moi, je sais que j'en ai une. Ouais. Alors, c'est pas dans la vie de tous les jours, mais c'est au cinéma. Ouais. Et je ne peux pas voir un film si j'ai pas de popcorn. Ah bon? Ouais. Ah ouais. Pour moi, ça va avec le rituel du film. C'est vrai. Ah, mais c'est-à-dire que je te jure que c'est vrai. C'est-à-dire que je peux rater le début du film si j'ai pas acheté mon truc de popcorn. Sinon, je n'arrive pas à suivre le film. C'est comme ça, je suis désolé. C'est comme ça que tu te soucis. Mon mec, il est pareil que toi, mais c'est tellement pas supportable pour la personne qui est à côté et qui t'entend toutes les secondes faire. Ouais. Non, surtout, ça va. Moi, je mange du. Je peux passer un petit message parce que ça m'énerve. Moi, je mange du popcorn au cinéma, mais j'ai le respect d'attendre les moments où ça fait du bruit, où il y a les. Blam, là, je croque. Ceux, quand il y a un grand silence, qui font des petits. Mais non, mais il y a tout doucement en se disant ça s'entend pas. Ça s'entend, on l'entend quand vous croquez, c'est chiant. Mais non. Ça fait pas de bruit les personnes. Si, ça fait du bruit, je te jure, il y a que vous qui le savez pas. Ça fait du bruit si tu les prépares dans la salle de cinéma. Non, quand ça croquille, quand ça croque. Vous mangez des bonbons mous, je vous en supplie. Mangez des crocodiles, j'en sais rien. Mais arrêtez de manger des trucs durs, quoi. Mais non, parce que si tu prends des crocodiles, c'est dans un sachet en plastique. Et le sachet en plastique, c'est du bruit. Mais vous les mettez dans votre main, je sais pas trouver une solution, mais respectez-nous. Bruno, tant que c'est des popcorns sucrés, c'est bon, on va rester. Non, Team Salé, mec. Non, bien sûr. Nelly, à Saint-Raphaël. Salut Nelly. Salut. Coucou. Nelly, on est en train de parler de ces petites habitudes qu'on ne peut pas changer. Qu'est-ce que c'est, toi? Moi, je suis comme une mamie, en fait. J'adore les infusions et les tisanes. Avant de te coucher. C'est pas que t'es comme une mamie, tu es une mamie. T'as quel âge, Lily? Bien sûr, évidemment. À 30 ans, je suis une mamie, évidemment. 30 ans, il te faut la tisane. Une infusion, même. C'est même pire. Oh, infusion, rien que le mot. Une petite verveine. Infusion, et la nuit je prends mon infusion. Si à 30 ans, tu prends des infusions, à 40, tu mets des couches, mon garçon. Je suis sûr que du lundi au vendredi, tu regardes plus belle la vie. Et tu sors dans la rue avec ton caniche abricot pour lui faire pipi sur les poteaux. Et dimanche, tu pars au marché avec ton caddie que tu fais rouler. Infusion, tu sais que t'es vieille, nom de nom. Infusion, quand tu vois des jeunes, tu dis « Ah, moi non !» Infusion, t'es plus qu'un vieux crouton. Et t'écoutes Bruno Guillon, on te dit que tu te trompes de station. Infusion. Allez, mamie, on va te laisser. Hein? Oui. Il y a plus de saison en plus. Hein, t'as vu ça? Nelly, on t'embrasse. Oui, gros bisous, merci. Noémie, 22 ans, elle est à Brest. Bonjour Noémie. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir, allez, bonsoir. Bonsoir. À la drogue, allez. À la drogue. Et c'est vraiment pas beau. À la drogue, à la drogue. Tu sais plus si c'est soir ou le matin, tu sais plus. Bon, tu sais, ça veut plus rien dire. Avec les infusions. Noémie, c'est quoi la petite habitude que tu peux pas changer? Ah, mon petit déjeuner, c'est sacré. Ah bah oui, mais ça c'est normal. Oh, il y en a plein qui sont comme ça. Je peux pas, c'est-à-dire que moi je me lève, je prends mon petit déjeuner en premier, c'est la première chose que je fais. Ouais. Alors je peux que pas moi... prendre mon petit déjeuner, je suis exécrable toute la journée. Moi, Noémie, je me lève et je te bouscule. Et tu ne te réveilles pas, comme d'habitude. Et ça, c'est pas bon. Ouais. On te fait des bisous, Noémie. Bisous tout le monde. Bisous, bonne soirée. Et Noémie, dis-moi, has gone awry. Hein? Dis has gone awry. Je comprends pas l'anglais, je suis une grosse merde. Has gone awry. Y'a Kungs qui arrive sur Fun Radio. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance, électro. C'est Fun Radio. Hi, it's Neil Sazen on Fun Radio. Feder. Calvin Harris. Félix J. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Top! J'ai 20 secondes pour vous dire que chez Feu Vert, ce sont les 30 jours de l'expert. 30 jours d'offres tip-top. Exemple, pour votre carte grise, Feu Vert s'occupe de tout. Il vous offre 10 euros sur votre prochain achat. Mais attention, vous n'avez plus que 2 jours pour en profiter. Alors vite, il n'y a pas une seconde à perdre. Voir conditions sur feuvert.fr. Bougez pas, Bruno. Le chiffre du jour va vous mettre de bonne humeur ce matin. À votre avis, quel point commun auront la majorité des Français ce vendredi? Qu'est-ce qui va se passer vendredi pour la plupart des Français? C'est une question. Vous avez une réponse, vous pouvez le faire avec le hashtag Bruno Fun Radio sur les réseaux sociaux ou au 3228, on fait de la radio ensemble après les news. Fun Radio, le son Fleur. Et la réponse n'est pas ils vont être en week-end comme le suggère Fonf qui réalise cette émission. Ouais, ça, c'est le cas de tout le monde en fait. Ouais. On fait un point sur l'actu là, de ce mardi matin. Maxime Poulaouec pour les news, ça va Max? Ça va et toi Bruno? Et ben, ça va très bien. Alors on parle de température de ouf encore. Ouais, là, ce sera encore très estival. C'est l'été indien qui se poursuit avec du soleil un petit peu partout. Des nuages en revanche si vous êtes dans le nord-ouest avec un peu de pluie. Les températures 9 à 13 degrés au réveil jusqu'à 18 au bord de la Méditerranée. Et dans l'après-midi on aura 19 à 22 degrés en moyenne mais toujours plus chaud vers la Grande Bleue avec 26 degrés. La claque pour le gouvernement, après des mois encourageants, la courbe du chômage repart à la hausse. Au mois d'août, le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 1,4%, pointant à 3 560 000. La ministre du Travail explique ces mauvais chiffres par les difficultés rencontrées dans certains secteurs particulièrement affectés par les attentats. Jour de grève chez Alstom, les salariés de Belfort maintiennent la pression aujourd'hui contre la fermeture du site. Ils seront en Seine-Saint-Denis devant le siège pour manifester. Hier, le PDG du groupe a rencontré les organisations syndicales. Il attend des mesures du gouvernement pour prendre sa décision. François Hollande, lui, était à Calais hier. Le président a rappelé sa volonté de démanteler la jungle avant la fin de l'année. Il reviendra sur place ensuite pour qu'il n'y ait pas de doute sur sa volonté et sur ses intentions. La fin d'une autoroute urbaine, la reconquête de la Seine, c'est par ces mots que la maire de Paris, Anne Hidalgo, a salué une décision historique après le vote du conseil de la ville. Il a validé hier la piétonnisation des berges de Seine-Rive droite au cœur de la capitale. Serge Aurier, condamné à 2 mois de prison ferme, le footballeur du PSG était jugé hier pour violence contre un policier en mai dernier. Le tribunal correctionnel lui a également infligé 600 euros de dommages et intérêts. Il fait appel. Sur les pelouses de la Ligue des Champions, deuxième journée des phases de poule à 20h45, Monaco-Leverkusen et FC Séville contre l'Olympique Lyonnais. Il est 6h33, bon réveil avec Bruno. On arrête la parlotte et on dépote. Vous êtes prêts? Ouais! 6h-9h on Fun Radio. Bonjour la famille, bon réveil, semaine un peu spéciale. Hier on avait Kev Adams et Gad Elmaleh qui sont venus assister à l'émission. Si vous avez raté, facebook.com/Bruno dans la radio. On a mis des extraits, la vidéo de leur venue. Bonne émission, c'était un bon délire hier matin. Et quand je dis qu'on a une émission un peu spéciale cette semaine, l'autre c'est vendredi. Vendredi matin, nous allons marquer l'histoire de la radio française, les amis. Pour la première fois, nous allons faire l'émission en direct du dépôt de Cdiscount, le numéro 1 du e-commerce en France. Nous serons en direct de l'entrepôt avec des auditeurs sélectionnés la semaine dernière sur Fun Radio. Et ses auditeurs auront une mission, chacun à tour de rôle, ils sont 5, auront une minute dans l'entrepôt chez Cdiscount. Et durant cette minute, ils pourront prendre ce qu'ils veulent. Mais quand je dis ce qu'ils veulent, c'est tout ce qu'ils veulent, sans limitation de quantité ni de prix. Mais ils n'auront qu'une seule minute pour sortir des objets et les mettre dans la drop zone. Combien vont-ils gagner? Que vont-ils gagner? La réponse, ce sera vendredi matin. Ça va être une grosse émission, hein, vendredi. Kungs! Il était avec nous la semaine dernière. Il est venu mixer ici. Kungs, sur Fun Radio, ça arrive. AMT, call your name. On va vous le passer vers 7h moins le quart. Et j'aimerais qu'on ait le temps de vous mettre le Pitbull Florida. Il fait du bien, celui-ci. Green Light. On aura Annabelle dans quelques secondes, Around the World. Vous savez que de temps en temps, nous voyageons avec des auditeurs de Fun Radio. Alors elle, c'est extraordinaire, Annabelle, c'est qu'elle nous écoute à l'étranger, d'accord. Mais en fait, elle nous a découvertes à l'étranger. Ah bon? Oui, parce que souvent, on a des auditeurs qui nous appellent de l'étranger, qui nous écoutaient en France, et après, ils partent qui aux États-Unis, qui en Asie, et ils se disent, je vais continuer à mes habitudes et je vais continuer à les écouter. Elle, c'est différent, elle nous connaissait pas en France. Elle nous a découvert dans le pays où on va l'avoir au téléphone tout à l'heure. Parce qu'on est connu ou genre? Eh ben écoute, je sais pas, on va lui demander. On va lui demander, je n'en sais strictement rien, on va l'accueillir à l'antenne. Pour l'instant, c'est le chiffre du jour. Et bon, c'est le chiffre du jour. Quel point commun auront la majorité des Français ce vendredi? Ils vont être bourrés, tous ensemble. Alors non, je vais même rajouter, puisque je parlais là du chiffre du jour il y a quelques secondes, je vais même rajouter un truc. Ce vendredi, là, précisément, celui-ci. Ah bon? Vendredi 30 septembre. Ils vont être payés. Oui, mais non. Tu vas être aussi payé le 30 octobre. Tous les mois, d'accord. Non, là c'est propice au vendredi 30 septembre. Donc c'est un truc d'alignement des planètes, donc effet sur le corps humain. Donc genre on va tous être hyper chaud du cul, quoi. On va avoir envie, tous. Ça va être le moment où on a tous des hormones au maximum du maximum, non? J'ai l'impression que les planètes sont alignées plusieurs fois dans l'année, moi. Ah oui. Pour certains membres de l'équipe. Il y a Océane qui a 14 ans et qui est à Paris. Bonjour Océane. Bonjour. Salut. Océane, d'après toi, qu'est-ce qui va toucher la majorité des Français ce vendredi? Ils vont jouer à l'Euromillion. Ah, il y a peut-être plus de joueurs le 30 septembre. Ouais, peut-être, ouais. Ah, il y a une cagnotte de combien? 130 millions d'euros vendredi? Ouais, c'est pas ouf. Hein. Ouais, il y a des pépettes, hein. Y a des pépettes à se faire. Moi, pour la première fois de ma vie, hier soir, en regardant l'auto, je me suis dit, tu sais quoi, je vais peut-être commencer à jouer. Ah, bon? Ah bah pourquoi? Parce que tu t'es dit, oh, j'aurais pu jouer ces numéros quand t'as vu le tirage, non? Non, c'est ça? Mais parce que je me suis dit, tiens, j'ai un petit peu besoin d'argent en ce moment. Ah oui, bien l'auto. C'est le cas de tous les Français, je te rassure. Il y a un Français qui vient de remporter 23 millions d'euros hier. Ouais, bah tu sais quoi, 23 millions d'euros, ça me va, moi. Mais même moins, la moitié, ouais. Un quart, vraiment. C'est quoi, même un dixième? Ouais, tranquille. Ouais, 2 millions d'euros, franchement, je les prends. Vous savez que ma mère, c'est pas du tout une vanne, elle a pleuré pendant un mois cet été, parce qu'en fait, elle a joué au loto pendant très longtemps dans sa vie, et elle a arrêté, ça fait à peu près 6 mois. Et cet été, il y a eu un tirage où c'était tous les chiffres qu'elle jouait, et je vous jure que c'est vrai. C'est toutes nos dates de naissance. Ouais. Donc là, je pourrais avoir une mère millionnaire. Et être sur mon yacht. Mais je le vis bien, bande de connards! C'est impressionnant. Donc, le mec, il a gagné 23 millions. C'était le dernier tirage de cette sorte. Et à partir du 30 septembre, on pourra gagner de 100 à 130 millions d'euros. Merci, monsieur Française des Jeux. Prochain point dans 10 minutes. Non, mais c'est fou, quoi. Océane, à 14 ans, tu joues pas au loto? Non, mon père, oui. Enfin, l'euro million, ouais. Ouais. Tu sais que moi, mon fils, Océane, qui a 7 ans et demi, son vrai délire, c'est les jeux à gratter, lui. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, maintenant, à chaque fois, il veut que quand je vais acheter le journal, il me dit ouais, tu me prends des jeux à gratter. Et il gagne comme ou moi. Pas? Toi aussi, t'es dans ce délire-là? Putain, mais c'est. Ah ouais, c'est... Non, mais ouais. Mais c'est un truc de môme. Et c'est, en fait, je voudrais voir si jamais il gagne, voir s'il m'enfile un peu, quoi. Océane, c'est pas la réponse que j'attendais. Je te fais des bisous, ma belle. Ok, bisous. Passe une belle journée. Aujourd'hui, donc 30, c'est le chiffre du jour. 30 septembre. Voilà. Aujourd'hui, je voulais vous parler du 30 septembre. C'est vendredi. Ouais. Eh bien, sachez que le 30 septembre, c'est le jour où les Français ont leur poids au plus bas. Des conneries. Mais je te jure. Non, en fait, ça a été publié dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France. Ouais. C'est un truc sérieux. Hein. Ça a été réalisé sur 86 000 personnes. Les Français perdent majoritairement du poids pendant l'été. Et le 30 septembre, c'est le jour où leur poids est au plus bas avant de reprendre. Ah bah oui, parce qu'après t'as les fêtes. Mais ça c'est peut-être vrai. Enfin, tu mets de côté évidemment si tu fais un régime, parce que ça fausse le truc. Mais si tu fais pas de régime, effectivement, fin septembre, ton poids est assez bas. En régime, les gens qui font sondage, ils doivent avoir une vie de merde. Ils sont où les barbecues et le rosé de l'été et tout, genre les grillades? Et surtout, ouais, c'est vrai que Elliot, s'il y a bien quelqu'un qui a pas maigri durant l'été, on peut se dire que c'est toi. Mais il y a aucun souci, j'assume. Faut bien se faire plaisir de temps en temps. Ouais, le problème c'est que tu te fais plaisir tout le temps. Ouais. Elliot, c'est que les barbecues de l'été, ça marche plus en novembre, en décembre, en janvier, en février. Non, faut les arrêter. Il y a la raclette là, carrément. 6h38, c'est Fun Radio. On va partir à l'étranger là avec Annabelle. Elle nous a découverte à l'étranger. Elle nous a découvert. Je trouve ça assez ouf. Pour l'instant, monter le son, c'est bien ça pour attaquer cette journée de mardi sur la première radio Dance World de France. I'm gonna rock your back, take it next door. Gonna rock your back, don't stand no. I'm gonna rock your back, take it next door. Gonna rock your back, don't stand no. C'est le 27 septembre, bonjour la famille. Et MT, ça arrive sur Fun Radio. Dans quelques secondes, on aura donc Annabelle, autour du monde, qui nous appelle d'un pays improbable et qui nous écoute pour des raisons improbables. On l'aura au direct au téléphone avec nous. Et puis, je voudrais vous parler de cette info que je viens de lire dans le journal là, ce matin. D'ailleurs, c'est drôle parce que c'est un rapport avec la discussion qu'on avait hors antenne il y a deux secondes. Ouais. Ah oui, on a des discussions très intéressantes. Oui, mais vous noterez, auditeurs de Fun Radio, qu'on vous respecte et qu'on ne parle pas de prout à l'antenne. En tout cas, pas des proutes que fait Elliot dans le lit avec sa femme. C'est pas fait exprès. Et après, il fait semblant de dormir parce qu'il assume pas. Bref. Il y a un footballeur suédois, les amis, qui a été expulsé ce week-end. Un joueur de la réserve du club suédois de Järna SK, d'accord. Il a reçu un second carton jaune, donc synonyme de carton rouge. Il a été expulsé. Et vous savez pourquoi il a été expulsé? Bah parce qu'il a pété sur un autre joueur. Non, il a pété à côté de l'arbitre. Il est passé à côté de l'arbitre. hop, il en a fait une petite. L'arbitre, il a pris ça pour un manque de respect. Il a expulsé le joueur. Genre, il lui a pété dessus, quoi, ou bon. Il a pété à côté. L'arbitre l'a mal pris. Il a dit, dis donc, on a la même passion, mais on n'a pas le même maillot. Mais ceci dit, c'est vrai que les footballeurs sur le terrain, ça doit leur arriver souvent, mais mine bien de sûr, rien. Regardez, et là, je vous casse un peu votre délire. Ouais. Antoine Griezmann, de temps en temps. Non. Voilà, hop, évidemment, bien sûr. Attends, bien sûr. Et les beaux gosses, là, du foot, où vous êtes en mode. Hein, Raphaël Varane, est-ce que tu crois que c'est le dernier? Raphaël Varane, moi je suis sûr que quand il est en catimini, quand il revient, tu sais, quand il y a une action, lui il est arrière, ouais. Il est défenseur. Quand la scène est à l'avant, hop, il doit passer discrètement devant Hugo Lloris, il fait hey, Hugo! Et l'autre se marre. Mais je crois que c'est le contraire, c'est sur des grosses actions, tu vois, genre il se maîtrise pas, tu vois ce que je veux dire, sur les gros tacles, ouais, par exemple. Des fois il pose une pêche, même si c'était trop violent. Et là c'est gênant pour tout le monde. Allez, bon, restez sur une radio. Donc, hey, c'est printanier ce matin. On revient juste après ça. Votez maintenant. Vote for me. Fun Radio DJ Award. Depuis l'ADE à Amsterdam, l'événement incontournable du DJing. Connectez-vous sur partyfun.fr et votez pour vos DJ préférés. Qui des DJ Fun Radio? Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Diplo ou Martin Garrix repartira avec le plus de trophées. Réponse en direct de l'ADE à Amsterdam du 19 au 23 octobre avec les Fun Radio DJ Awards. Fun Radio DJ Awards. Sur Fun Radio. Vote for me. Votez pour moi. Go! Le son Dance Floor. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Fun Radio. Partout dans le monde. Sur funradio.fr. Fun Radio présente I Love Techno Europe, samedi 10 décembre, au Parc des Expos de Montpellier. I Love Techno. Retrouvez sur scène Laurent Garnier, Masséoplex, Vitalik, Ben Clock, B2B, Marcel Detman et bien d'autres. Infos et réservations, point de vente habituel. ilovetechnoeurope.com et funradio.fr. I Love Techno. I Love Techno Europe avec Fun Radio. Le son Dance Floor. Yo, this is the Major Lazer and we are on Fun Radio. What's up, guys? It's Martin Garrix. This year, Fun Radio is the place to be. Baby, I like your style. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray I make it back in one piece. I pray, I pray. And that's why I need one dance. Got an Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need one dance. Got an Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold of me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. Como tú te amas, yo no sé. De dónde llegaste, ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted. Quédame contigo hasta el amanecer. Como tú te amas, yo no sé. De dónde llegaste, ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. Óyeme, mamacita. Tu cuerpo y carita, piel morena, lo que no necesita. Mirando una chica tan bonita, pregunta por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, moviendo todo eso pa' mí. No importaría un man ni el país, ya vámonos de aquí. Que tengo algo bueno para ti, una noche de aventura que oui, oui. Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle. rumbeando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. I need one dance, yeah. One more time before I go. Higher power's taking a hold. I need one dance. Quedarme contigo hasta el amanecer. Sérieusement, il y a une casse qui vous manque ou quoi? Bruno dans la radio. 6h-9h. Mardi, c'est le 27 septembre. Bon réveil la famille, c'est Fun Radio. Et dans quelques secondes, il y aura le Vacher Time. Vous avez un téléphone, vous pouvez être la victime de Vacher. Voilà, ce sera 7h du matin. On a quoi ce matin? Alors dans le Vacher Time, excusez-moi, vous voulez que je regarde le menu? Oui. S'il vous plaît. C'est un conflit de voisinage. Il y a des émissions qui aiment bien pendant un temps genre résoudre les conflits de voisins, tout ça. Oui, Julien, notre pote Julien Courbet, voilà. Le fait toujours sur RTL des fois. Moi, j'essaie de me lancer une carrière inverse, c'est-à-dire que je me fais passer pour une personne du voisinage et je fous un peu la merde en colportant des rumeurs. Il y a un petit extrait. T'essayes de créer des conflits de voisinage. Voilà, c'est ça. Extrait, donc. On m'a dit que vous étiez un peu la vieille bique du quartier. Ah, qui c'est qui vous a dit ça? Je devrais pas vous le dire, mais c'est les propriétaires du numéro 47 là, que je loue. Les propriétaires? Alors que je m'entendais bien avec eux. Eh oui. Là, franchement, je porterai plainte pour diffamation. Le problème, c'est qu'ils sont crédules, en fait, les gens un peu âgés, et donc j'en profite. Là. Oh. Mais tu sais, de toute façon, je ne crois pas... Au fond de moi-même, je ne crois pas à l'entente entre voisins. Il y a toujours un truc un peu chelou. Je suis assez d'accord avec toi, mais après, ça dépend où tu habites. Tu vois, mes parents, ils ont des très bonnes relations avec leurs voisins, ils s'aident tous. Oui, moi, je ne connais pas mes voisins. Ils sont échangistes, ça compte pas. On parle de gens normaux, là. Ça dépend. Bon, les amis, de temps en temps, on aime voyager grâce à vous autour du monde avec vous, auditeurs de Fun Radio. Je lisais souvent, on a des auditeurs de Fun Radio qui partent de France pour aller s'installer à l'étranger. On a eu la Russie, on a eu les États-Unis, on a eu la Corée il n'y a pas très longtemps, la Corée du Sud. Et du coup, ils gardent leurs habitudes en disant « Moi, je me réveille avec Fun Radio quand j'étais en France. Hop, à l'étranger, je me réveille avec Fun Radio. » Et bien, vous allez voir, c'est différent avec Annabelle. Bonjour Annabelle. Salut, salut. Coucou Bruno dans la radio. Wow, Annabelle, yeah. Il est 6h50 ici en France. Quelle heure il est chez toi? La même heure, c'est pareil. On est sur le même fuseau horaire. Oui. Ah, mais... Non mais c'est que tu es en train d'avancer. Hein. Sinon, si on est sur le même fuseau horaire, il est 6h50. C'est pareil. Annabelle, tu nous appelles de Horten, H-O-R-T-E-N. Ça se trouve où exactement? En Norvège. Et qu'est-ce que tu fous en Norvège? Dans le Grand Nord. Qu'est-ce que je fous là-bas? Eh bien, écoute, ça fait 4 ans que je suis là. C'est très joli. Mais comment tu t'es retrouvée là-bas? T'as 27 ans, c'est pour le boulot? C'est pour suivre ton mec? C'est quoi l'histoire? Pas du tout, comme ça. Comme ça, pour le fun. Ah oui, je dirais. Attends, on est parti comme ça, à l'aventure. Avec ton mec? Avec mon mec, ouais. D'accord. Ouais. Mais vous êtes parti à l'aventure et vous êtes resté? Et on est resté ici, oui. D'accord, donc en fait, mais au départ, vous étiez parti pour les vacances, c'est quoi l'histoire? Au début, on est parti juste pour le fun comme ça, on s'est dit, allez, si on allait ailleurs. Ouais. Pour les langues, pour le boulot, pour les gens en fait. Bah oui. Et vous êtes tombé amoureux du pays. Et on est tombé amoureux en fait de la nature, de l'ambiance, des gens en fait ici qui sont vraiment plus simples. D'accord. Du froid aussi un petit peu. Un petit peu. Ouais, parce que là on va rentrer dans la période où le soleil se lève à 11h30 et il se couche à 14h30 chez vous, hein, c'est ça, hein? À 15h. Ouais, c'est ça. Malheureusement. Bon, alors Annabelle, je vois sur ta fiche que tu nous as découvert, mais là-bas en fait. Tout à fait, ici, oui. Ça fait presque un an en fait. Mais comment t'as fait pour nous découvrir en Norvège? Enceinte. On s'occupe un petit peu. Ouais. D'accord. Et donc. Et donc, tous les matins, du coup, je vous avais vers 6h45, justement. D'accord. Okay. Mais ce que je veux dire, c'est pourquoi tu n'as pas écouté des radios norvégiennes ou des délires dans le genre? C'est moins fun. D'accord. C'est une bonne réponse. C'est moins fun. Eh ben, écoute, c'est une Bruno, c'est quand même top, quoi. Eh ben, tu sais la quoi. Bonne humeur. Ça fait plaisir. Horten, c'est la capitale de la Norvège, c'est quoi, Elliot? Oslo. Très bien. Et c'est loin d'Oslo ou pas? Oslo, quand même. C'est loin ou pas, Annabelle? Non, c'est pas loin du tout. C'est à 1h d'ici. D'accord. Oui, bon, oui, bah, y a, vous êtes en fait, t'es un peu à la même distance de Drammen que de Fritzkrat. C'est sûr. Et bah, Drammen, c'est loin, non, encore. Ouais, je regarde sur une carte. Annabelle, on t'embrasse, ma belle. Gros bisous à tous. On te fait des bisous, belle journée. Et Norton, c'est connu, c'est là où il y a les antivirus. Oui, merci. Oh là là là. Bon, allez, j'arrête, c'est bon. C'est bon. Van de geek. moi, j'arrête. Merci. En même temps, il n'y a pas de ville qui s'appelle Kaversky. Donc, oui, on peut faire des vannes ici sur les antivirus, on n'en a rien à branler. Vraiment, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Le JPI arrive sur Fun Radio juste après. EMT, call your name. J'rêve qu'elle de jour comme de nuit. J'vis ma vie sans faire de bruit. Aisance et élégance, yeah. Elle perturbe mes sens, yeah. J'ai envie de faire un choc des générations. Voilà, je vous le dis, on est mardi. C'est quand la dernière fois qu'on en a fait un? Il y a une semaine? C'était lundi dernier. Oh bah dis donc, il y a plus d'une semaine. J'ai envie de faire un choc des générations. Tu es auditeur de Fun Radio, tu as moins de 15 ans, tu m'appelles maintenant au 3228. Tu représenteras le camp des jeunes. Tu es auditeur, auditrice de Fun Radio, tu as plus de 45 ans, tu m'appelles maintenant 3228. Tu représenteras le camp des vieux. Et vous allez vous affronter, jeunes et vieux, dans moins de 20 minutes en direct sur Fun Radio. Nous poserons des questions de jeunes aux vieux et des questions de vieux aux jeunes. Qui gagnera? Réponse tout à l'heure, 7h15. On offre quoi, Christina? Une PS4? Une PS4 ou une télé, à la limite, vous choisissez. Et ben vous savez quoi? On offre les deux, la PS4 et la télé. Comme ça, vous avez les deux pour jouer. Oui, j'en ai rien à foutre. 32-28. Choc des générations, on se fera ça à 7h15. Journal pour une image, faux journal de l'émission, c'est tout de suite la première édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et pour commencer, l'info qui ne sera pas développée dans ce JPI. J'adore le rôti de porc à la moutarde. Et pour commencer, débat. Aujourd'hui est lancée une grande campagne sur les génériques. L'occasion de lancer le débat. Les Français aiment-ils les génériques? Moi j'adore celui d'How I Met Your Mother. Ouais, mais non, parce que moi je parlais des médicaments génériques. Mais laissez tomber, c'est pas grave. Télévision ce matin sur BFM TV, Jean-Jacques Bourdin est de nouveau l'invité de Marine Le Pen. Aujourd'hui, c'est le début de la Fashion Week à Paris. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Oui, tout à fait. Nous sommes en train de finir les préparatifs. Ah oui, il faut l'installation des podiums, des gradins et des loges. Non, la livraison de cocaïne. 16 tonnes pour 9 jours. Vous pensez que ça ira ? Oula, à mon avis, vous êtes un peu juste, Anthony, hein ? La suite. Et pour finir, si vous aimez les humoristes français et les boules, découvrez Jean-Marie Billard. Voilà, c'est la fin du JPI. Tout à l'heure, nous serons tout à l'heure. Alors, à tout à l'heure. Mais, va chier, Christina, soyez honnête avec moi. Quand vous riez, c'est par politesse par rapport à eux ? Parce que ce sont des amis dans la vie. Et en guise de soutien, ou vraiment Jean-Marie Billard, ça vous fait rire? Bah, vraiment, moi, ça me fait rire. Jean-Marie Billard, ouais, moi, je suis fan. Oh, une sur cinq, ça va, hein? Ouais. D'accord. C'est vrai que c'est pas mal pour vous, c'est pas mal. Ouais. Major Lazer, Justin Bieber, Cold Water, ça arrive sur Fun Radio. 7h10, je paye de la facture, facture@funradio.fr. Vous avez un petit peu de dépenses là à vous faire payer, bah, ça tombe bien. On va vous choisir là peut-être ce matin. Facture@funradio.fr, je paye de la facture là dans moins d'un quart d'heure sur Fun. La radio numéro 1 sur les nouveautés. New music. C'est Fun Radio. Félix J. Hi, it's Zara Larsson on Fun Radio. Feder. It's the Chainsmokers on Fun Radio. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché. C'est parti! C'est les 4 semaines les moins chères de France chez Intermarché. Tentez de gagner votre voyage de rêve d'une valeur de 10 000 euros à composer vous-même et des milliers d'autres cadeaux. Pour jouer, gagnez des jetons à chaque passage en caisse. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Si vous trouvez moins cher, on vous rembourse deux fois la différence. Modalité complète, règlement et magasins participants sur intermarché.com. Jusqu'au 23 octobre. Top! J'ai 20 secondes pour vous dire que chez Feu Vert, ce sont les 30 jours de l'expert. 30 jours d'offres tip top. Exemple, pour votre carte grise, Feu Vert s'occupe de tout. Il vous offre 10 euros sur votre prochain achat. Mais attention, vous n'avez plus que 2 jours pour en profiter. Alors vite, il n'y a pas une seconde à perdre. Voir conditions sur feuvert.fr. Bougez pas, Bruno. Comment mettre la merde dans un voisinage où tout se passe bien ? C'est la question que nous avons posée à Vaché. Il vous donne la réponse là dans le Vaché Time juste après les news. Fun Radio. Le son Dance Floor. Le point sur l'actu de ce mardi, le 27 septembre, Maxime Poulaouec pour les news, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous et bienvenue sur Fun Radio. On commence par la météo, une belle journée ensoleillée presque partout. Les nuages résisteront uniquement dans le nord-ouest des Charentes à la Normandie. Avec un peu de pluie, il fait ce matin 9 à 13 degrés jusqu'à 18 en Méditerranée. Dans l'après-midi, prévoyez 19 à Brest, 21 à Reims, Tours, Clermont et Tarbes, 22 à Paris et Lyon jusqu'à 26 à Nîmes. Plus 1,4%, le chômage repart à la hausse au mois d'août selon les derniers chiffres publiés hier. Une véritable claque pour le gouvernement. Après des mois encourageants, le nombre de demandeurs d'emploi s'établit à 3 560 000. La ministre du Travail explique une dégradation de la situation dans certains secteurs à cause des attentats. Les salariés d'Alstom à Belfort veulent quant à eux garder leur travail. Le site est sur la sellette. Le PDG a rencontré hier les organisations syndicales. Il attend les mesures du gouvernement avant de confirmer la fermeture ou non. Une manifestation aura lieu devant le siège du groupe à 11h en Seine-Saint-Denis. L'image avait fait le tour du monde. Le PDG d'Air France, chemise arrachée en octobre 2015. 15 salariés de la compagnie sont appelés à comparaître à Bobigny aujourd'hui, poursuivis pour violence en réunion et dégradation. 5 salariés ont déjà été licenciés. François Hollande veut démanteler la jungle de Calais avant la fin de l'année. Il l'a annoncé hier aux acteurs économiques de la région lors d'un déplacement. Il reviendra sur place ensuite pour qu'il n'y ait pas de doutes sur sa volonté et sur ses intentions. Vers la piétonnisation des voies sur berge à Paris, le conseil de la ville a validé hier le projet. La maire a salué une décision historique, la fin d'une autoroute urbaine et la reconquête de la Seine. Un arrêté municipal doit maintenant être publié. Chaque jour, 43 000 véhicules circulaient sur ces berges. En football, la Ligue des Champions reprend ce soir à 20h45 pour les deuxièmes matchs de la phase de poule. Deux clubs français joueront. Monaco accueillera le Bayer Leverkusen et Lyon se déplacera sur la pelouse de Séville. Bonne matinée avec Bruno dans la radio sur Fun. Bruno on Fun Radio. Mardi, c'est le 27 septembre. Vous écoutez Fun Radio, il est 7h03. Bonjour! Merci d'avoir choisi la première radio dancefloor de France, la pour vous réveiller Major Lazer, Justin Bieber pour attaquer et Sib Brice aux alentours de 7h15. En pleine forme comme chaque matin, avec toute l'équipe de Bruno dans la radio, il y a Christina qui est là ce matin. Bonjour à tous. Il y a Vaché. Bonjour. Il y a Elliot. Bonjour Bruno. Elliot qui fait des soirées people maintenant. Ah bon, t'as vu, c'est le showbiz. Hein. Je déconne, mais j'ai eu une invitation, moi j'ai gratté. J'ai été à c'est quoi le lancement de FIFA? FIFA 17, c'est hyper attendu. Hein. C'est grand quand même de me dire c'est quoi déjà. Bah mec, c'est toi qui arrivais en disant que t'étais couché à minuit et demi, que ta meuf avait dragué Joe Star. C'est toi qui étais à la soirée, moi je sais que j'ai pas pu y aller, c'était trop tard. C'est Joe Star qui a dragué ma meuf. Non, il y a eu genre Joe Star, il a fait un concert privé avec Cut Killer, le DJ. Mmh. Alors c'était pas mal. Il y avait qui? Il y avait du people, là. Il y avait tous tes copains du truc d'Arthur, là, le 5 à 7, ou les trucs, les vendredis t'es permis. Ouais. Genre Cartman. Jarry. Ça c'est de la on sent que Elliot il est renseigné. Vas-y, ouais. Continue. Mais moi c'est la nana de Téléfoot là qui est jolie. Ouais, jolie. Charlotte, ça, Charlotte. Namura, ouais. La celle qui est jolie aussi l'autre la brune. Layla Ben. Layla, voilà. Oh là là. Mis à part mes potes, il y avait des gens, oui, tu l'as. Il y avait ta mère aussi Bruno qui était là. Non, qui avait d'autres? Il y avait Eric de Eric et Quentin du petit journal. Ouais. Il y avait d'autres. De Quotidien d'ailleurs maintenant. Ah oui, de Quotidien. Il y avait Cyril Eldin aussi d'ailleurs. Alors ouais. Ils se regardaient du coin de l'œil. Vraiment, j'ai l'impression que c'était la grosse soirée ouais. Showbiz. Alors là, moi j'attends vraiment l'anecdote, tu vois, de il s'est passé ça. Mais... Il y avait Kev Adams. On l'a perdu. Genre moi j'étais chaud, je dis à ma meuf, tu vas voir, je le connais, on l'a reçu ce matin. Ouais. Il est passé devant moi et tout, et il m'a rien fait. et sinon, mais dis-nous comment c'était FIFA 17. Il y a plein d'auditeurs qui sont chauds, et en plus, on va l'offrir dans quelques jours. Il est top. Alors, je l'ai testé sur Xbox. C'est pas ma console de prédilection, je suis plus PS4. Et non, il est super réaliste, il est vachement bien. Donc, franchement, non. Merci pour tous ces détails. Qu'est-ce qu'il y a, Vaché? Ah putain, j'en peux plus. il est bien, ouais. Et quoi d'autre? Bah, franchement, quand tu joues, ça se passe bien. Voilà. Les graphismes sont bien. C'est joli. Et c'est ouais. Joli. Et le boîtier avec le CD dedans, ben ça, tout ça c'est bien. Voilà, je le dis, c'est bien. Mec, on sait pourquoi t'es pas chroniqueur de jeux vidéo, mais il est vraiment réaliste. Est-ce que ouais. Ben Arfa est assis sur le banc ou pas? Non, mais alors, j'ai joué avec le PSG et Cavani a raté toutes ses actions. J'ai perdu. Ah bah, donc, ouais, pour dire que c'est proche de la réalité quand même. Allez, 7h06. Bruno. Vaché time. Oui. Vous avez un téléphone, vous pouvez être la victime de Vaché. Et j'ai appelé aujourd'hui à Tarbes, voilà, dans la région de Tarbes. J'ai repéré une petite cité, un rassemblement de petites maisons, machin. Et je me suis fait passer pour une voisine qui arrive, voilà, qui loue une maison, pour foutre un peu la merde. Mmh. Et j'ai appelé une de mes soi-disant voisines. Et visiblement, ça a marché. Ouais. On écoute. Allô ? Oui, bonjour madame. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, c'est pourquoi? Alors, je me présente, je suis Madame Gentil. Je loue la maison juste à côté de chez vous au 47. Et je voulais vous prévenir que j'allais faire la fête ce soir jusqu'à 5-6 heures du matin. Donc, je voulais pas que ça vous dérange. Oh, mais ça me gêne pas parce que moi, je m'endors tard. Ah. Vous êtes dans une maison au fond, alors là. C'est ça. Et on m'a dit qu'il fallait que je vous prévienne surtout vous parce que comme vous êtes un peu la casse-couille du quartier, comme on dit, celle qui râle tout le temps, qui reste enfermée chez elle. Ah, moi? C'est ce qu'on m'a dit. Ah non, moi, je parle à tout le monde et ah non, pas moi. Hein. On m'a dit que vous étiez un peu la vieille bique du quartier. Ah, qui c'est qui vous a dit ça? Je devrais pas vous le dire, mais c'est les propriétaires du numéro 47 là que je loue. Les propriétaires, alors que je m'entendais bien avec eux, oui. Là franchement, je porterai plainte pour diffamation. Et parce que là, franchement... Ah ben voilà, il m'avait prévenu, il m'avait dit, c'est tellement une grognasse, celle-là, qu'elle va vouloir porter plainte, tu vas voir. Oh, alors là, je suis en colère, parce que franchement... Ils m'ont dit que vous étiez agressive en plus. Agressive, moi? Un vrai pitbull. Ben dis donc. Ils m'ont dit, lui, faites pas la bise, parce qu'elle pique. Je pique, moi? Ils m'ont dit, elle a plus de barbe que le Père Noël, c'est vous dire. Bon, écoutez, je vais porter plainte. Et voilà, ils avaient raison, vous êtes agressive. Je vais porter plainte. Le pitbull se réveille. Non, mais vous êtes pas un peu timbré? Merde. Attendez, excusez-moi, je me suis trompé, vous êtes la dame du 45. En fait, ils me parlaient de la dame du 46. Vous, ils m'ont pas dit ça du tout. Ah oui, là vous vous trompez de personne. Hein. Non, c'est pas vous l'agressif, je suis désolé. Ah bon, là, vous m'avez mis en colère, là. Vous, ils ont dit que vous étiez une Marie couche-toi là. Qui, moi? La collectionneuse de ce Bob, ils vous surnomment. Bon, allez, va. Oh, la pauvre mamie, elle devait être énervée toute la journée après. Oui, après, toujours une heure après, je les rappelle quand même pour leur dire. Menteur. quand j'y pense. Ouais. La collectionneuse de ce Bob. Elle aurait dû être flattée. Oh là là. Bon, les amis. Waouh. C'est nouveau, ça, non? Si vous êtes en train de secouer la tête en entendant ça et que vous vous dites on faisait quand même de la bonne musique à l'époque, c'est que vous êtes vieux. Vous pouvez appeler maintenant le 3228. On a besoin de vous pour le choc des générations. Ça va arriver, là, deux générations qui s'affrontent. Je sais que vous adorez ça, nous aussi. C'est l'occasion de réécouter des trucs improbables. Ce sera aux alentours de 7h15. Je paye de la facture dans 3 minutes et tout de suite, Major Lazer. C'est sur Fun Radio. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will c'est Sib, vous l'avez découvert sur Fun Radio. Ça va arriver là dans moins de 3 minutes. Alerte people, Christina. L'info people peut tomber n'importe quand. La planète Twitter, la twittosphère tourne à toute allure et Christina l'arrête dès qu'il y a une info de la plus haute importance. Et elle vient de tomber, elle concerne Angelina Jolie. Ouais, Angelina Jolie qui vient de bloquer le numéro de téléphone de Brad Pitt. Bon, ça, à la limite, on peut le comprendre. Mais surtout, elle vient de trouver du réconfort dans les bras de Johnny Depp. Oh. Alors, je vous rassure, pour l'instant, ce n'est qu'amical. Mais en fait, dès que Johnny Depp a vu la presse qui divorçait, etc., lui a appelé Angelina Jolie, lui a dit « Écoute, si tu veux que je te donne des conseils, je suis là pour toi, il n'y a pas de souci, parce qu'ils ont tourné ensemble, donc ils se connaissent un petit peu. » Et puis, il a quand même sorti dans la foulée « C'est l'une des plus belles femmes de ma vie que j'ai rencontrées. » Alors, de là à dire qu'il veut la pécho, je ne sais pas. Bah, il aime bien les maigrichonnes, celui-là. Parce qu'entre Paradis, là, Jolie, il lui faut tout. Elliot. Oui. Tu sais, ce qu'on a devant nous, là, comment t'appelles ça? Un micro. Voilà. Ça s'appelle comment? Une lumière rouge, ça veut dire que le micro est allumé. Ici, c'est quoi? C'est un studio. Un studio de radio. Ça n'a rien à voir vraiment avec un local coiffure. Donc, tu vois, pour voir de commentaires. Oui, si vraiment, derrière, t'entends des gens, tu vois, des nanas qui parlent, si t'entends un bruit de... Et vous savez que Madame Lambert, elle a pas pu vendre sa voiture, tout ça. Là, tu peux dire, il aime bien être avec des maigrichonnes. Ouais. Ça, tu peux le faire, on te jugera pas. Donc, ouais. Ici, quand t'entends des jingles, tu vois des trucs et tout, c'est que t'es en radio, on peut pas. Hein, d'accord? D'accord. Allez, sans rancune, 7h13. Bruno, allô? Paye vos factures. Oh, il est adorable! Tous les jours! 7h15, 8h15 sur Fun Radio, je paye de la facture, je paye votre facture. Si vous l'envoyez à facture@funradio.fr ou si vous la déposez sur le site brunopayevosfactures.fr. Et si on vous appelle en direct le matin, votre facture, c'est cadeau, c'est payé, c'est pour nous. On part à Grenoble, département de l'Isère. Allô? Bonjour Manon. Oui. Manon? Oui. Quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? C'est Bruno sur Fun Radio. Hey, ouais. Bravo. Bravo. Merci. Manon, tu as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? J'ai 21 ans et je suis étudiante en BTS. Je suis en alternance sur Orange. D'accord. Ah, comme moi, j'avais fait ça. BTS. C'est trop bien. BTS quoi? Un BTS MUC, management des unités commerciales. Et j'étais chez Orange aussi, et j'étais comme toi, toute fraîche à l'époque. Ah, ça me fait plaisir. Ouais. J'ai l'impression de parler avec moi-même quand j'étais jeune. Ouais, mais au féminin alors. MUC, le nom me fait rire. Ouais, management des unités commerciales. MUC, ouais. Ça fait un peu dessin animé. MUC. MUC. MUC. Moi, ça sonnait pas dessin animé, ça a très vite sonné chômage. Et après ça. Non, allait... mais me dis pas ça. Non, t'inquiète pas, il y a du taf. Manon, tu m'as envoyé une facture. Qu'est-ce que c'est que cette facture? Alors, c'est une facture pour un soin et un massage en institut à deux. Donc, je le fais avec ma petite sœur, en fait. D'accord. À quel âge ta petite sœur? 16 ans, d'accord. Et vous êtes fait un petit délire de fille, de massage et tout ça? Bah ouais, elle en avait envie depuis longtemps, elle aime bien ça, et moi aussi, alors... Trop cool. Il n'y a pas quelqu'un dans cette équipe qui aime pas se faire masser? Si, c'est moi. Toi aussi? Bah deux, voilà. Je déteste ça, tu me touches pas. Alors, mais berre. Comment vous pouvez ne pas aimer qu'on vous masse? Mais qui vous a déjà massé? C'est trop agréable le massage. Moi, c'était pendant ma nuit de noces. En plus, la nana, j'ai l'impression qu'elle frottait ses seins contre mon dos. Il y avait ma femme, on vous avait fait un massage en duo. Il y avait ma femme à côté, je sentais les seins de la nana dans le dos. C'était gênant, quoi. Si j'avais été tout seul. D'accord. Bah ouais. Ah, mais voilà. Mais du coup, c'était un peu traumatisant, quoi. Tu sais, je sentais des seins sur mon dos avec ma femme à côté. C'était un peu gênant, voilà. Moi, et la dernière fois, je me suis fait masser, Manon. Est-ce que dans le salon de massage où tu es allé, il y a un trou au niveau de la tête pour que tu puisses mettre ton visage? Ouais, il y avait un trou au niveau. Enfin, bref, j'en parlerai plus tard. Tu sais, parce que t'as la table et pour pas avoir mal, c'est pour pas que ton menton te relève la tête. Voilà. Ah ouais. Et moi, la dernière fois où je me suis fait masser, la meuf, elle avait des yeps. On aurait dit la pub, tu sais, là, avec les ongles qui soulèvent et la bête qui fait bonjour. Oh, je te jure, ça m'a kéblo, en fait. Ça m'a kéblo, je voyais que ça, en fait. J'avais une angoisse, ça m'a complètement enlevé le kiff du massage. J'ai l'impression qu'il y a la bête qui était filmée par la pub. On disait, hey, c'est ici, sous l'orteil, que je vais masser. Ah, dégueulasse. Mais non, ce soir en institut avec ta petite sœur, c'est cadeau, c'est payé, c'est pour moi. D'accord, ma belle? Merci beaucoup, l'équipe. Et bah, de rien, je te fais des bisous. Bonne journée. Ciao. 7h16, vous appelez le 3228, vous allez jouer au choc des générations. Il va falloir qu'on élargisse le choc des générations parce que maintenant il y a des générations, tu vois, qui sont pas entre le moins de 15 ans et le plus de 45 ans et qui disent, et nous, comment ça se passe, on n'a pas le droit de jouer. On pourra essayer de l'adapter aux gens qui étaient plus jeunes dans les années 90. On peut faire ça aussi. On peut bouger le curseur du choc des générations. Bon, en tout cas là, il me faut quelqu'un qui a moins de 15 ans. Moins de 15 ans, t'appelles le 3228. Tu gagnes une PlayStation 4 plus un écran LED, ce qui est pas rien. et il me faut un plus de 45. Et là, je sais ce que vous allez dire, mais moi, j'ai plus de 45 ans, c'est pas vieux. Non, c'est pas vieux. Mais t'es quand même plus proche de la fin que du début. Oh, mais quelle horreur. Je le dis, j'ai 45 ans. 32-28, on fait des radios ensemble et surtout, on joue, il y a du gros cardio à vous filer ce matin. Donc voilà, moins de 15 ans et plus de 45. Et après, promis, on pensera à ceux qui ont entre 15 et 45 pour pas faire du racisme d'âge. Pour l'instant, on écoute Sib. Vous l'avez découvert sur Fun Radio, ça s'appelle Brice. Il est 7h18, la famille. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen out for your mind. You're killing me over love. Da, da, da. Your kisses are the only doubt. Listen out for your lies. La semaine dernière, c'était le chouchou de Christine. Hein. Ça l'est toujours encore, ah, ou pas? Toujours, de D'accord. plus en plus. D'accord, parce que tu dis, hein, dès que tu changes de chouchou, la France veut savoir, vraiment. Si, bah, sur Fun Radio, à l'instant. Remix d'Eiffel 65, le titre date des années 90, remis au goût du jour par Sound of Legend Blue, là, qui arrive dans le quart d'heure sur Fun Radio. On est l'archi-élite de l'élite. Bruno dans la radio. Yeah. 6h-9h sur Fun Radio. Alors là, je suis d'accord. On se met au boulot. Nous avons créé ici sur Fun Radio le choc des générations, un combat à mort entre deux générations différentes. Et dans le coin gauche, accusant 14 ans à la pesée, il habite la Chapelle en Serval. Applaudissements pour Léo. Ouais. Bonjour. Dans le coin droit, accusant 61 ans à la pesée, Martine de Bazoges-les-Brais. Bonjour la famille. Bonjour Martine. Martine, Léo, Martine. Vous allez vous affronter. Nous poserons à Léo des questions de la génération de Martine. Nous poserons à Martine des questions de la génération de Léo. Du vieux pour le jeune, du jeune pour le vieux. L'un de vous deux sortira gagnant et repartira ce matin avec une PlayStation 4 et un écran LED. Nous sommes d'accord ? Oui. Tout à fait, je vais écraser Léo. Oh, oh, oh, oh, oh, la petite vieille, elle va retourner faire du tricotage. Ça se bâche. Le respect, mon petit père, enfin. Tu parlais Martine, de et Martine ? Oui. Est-ce qu'on t'a déjà dit que ta voix ne faisait pas du tout ton âge ? Ah, bah tant mieux. Et fait plus. Ça fait beaucoup plus. Ah, les enfoirés. Bon, Léo, Martine, on va commencer avec qui ? On va commencer, on va commencer avec, avec toi, Léo, d'accord ? Ok, pas de problème. Léo, question de vieux pour toi, voici la première. Ça, Léo, c'est de la musique qu'il faisait danser Martine. À l'époque, il n'y avait pas de varices. Non, non, mais attends, il n'y a pas de question. Là, c'est on kiffe la musique de vieux. La question arrive maintenant. Quelle série américaine, et on est cool là avec lui, hein, diffusée en 1997, commencée par ce générique, Léo ? En même temps, il n'était pas né, hein, il est né en 2002. Donc, voilà. Et c'est là où vous, qui êtes en train d'écouter la radio, vous vous dites « Putain, mais c'est pas vieux, ça ?» Et là, je vous dis que Léo, à 14 ans, il est en 2002, vous dites « Oh, merde !» C'est vieux. Même à 20 ans, tu dis « Oh, merde !» Léo, tu vois ce que c'est ou pas ? Une série, je sais pas, je vais dire... Ok, allez, c'est, tu sais quoi ? La réponse est peut-être un peu trop longue, Léo. C'était Buffy contre les vampires. Ah, d'accord, ok. Y a pas de souci. Martine ! Ok. Éteins ta gauloise, c'est à toi de jouer. Question de jeune pour Martine. Ce soir c'est bonjour, la gosse va démarrer, on est tous dans la foule, tout le monde est présent. Quel réseau social, Martine, vient de lancer des lunettes connectées ? Martine, tu es encore là ? Non, oui, tout à fait, je réfléchis. Il n'y a pas de souci. On va mettre un petit buzz de c'est perdu, hein. Voilà. Il n'y a pas de raison. Réflexion, tu la réflexion. C'est un peu comme pour Léo. C'était Snapchat, Martine. Tu snaps un peu, Martine ? J'aurais dû y penser. Bah oui. Voilà. Est-ce que t'as un Snapchat, Martine, ou pas ? Comment ? T'as un Snapchat ? Non, c'est une question. Martine. C'est genre le rire de je comprends pas ce que t'as dit, mais je vais faire semblant que je comprends, donc je fais bien joué. Est-ce que tu as un Snapchat, Martine ? Oui. Ah, très bien. C'est quoi ton pseudo sur Snapchat ? Non, j'ai pas de pseudo. Ah ouais. Toi, t'as pas pris de pseudo sur Snapchat, par exemple. Non, elle arrive, et Snapchat la reconnaît directement. Elle a la reconnaissance visuelle. C'est énorme. Bon, pour l'instant, zéro partout. Léo ! Oui. Et je rappelle, les amis, qu'on joue pour une PS4 et un écran LED. C'est quand même du gros cadeau. Question de vieux pour toi, le jeune. Musique. Léo, je t'emmène en 1989. En 1989, en France, qui chantait cette chanson ? N'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Allez, Jean-Jacques Goldman. Bien sûr, laisse le refrain. On reconnaît la patte de Jean-Jacques. Bah oui. C'était François Valéry, Léo. Ah, je connaissais pas du tout. Ouais, ça, c'est un peu sans problème. Ça, c'est entendu. Hein. Pas de points. Martine, à toi. Martine, question de jeune pour toi. Quel groupe français signe son grand retour avec ce titre interprété par The Weeknd ? Petit indice, Martine, ça n'est pas la bande à Basile. Un groupe français qui produit ce titre de The Weeknd. J'ai déjà entendu. Elle parle seule. Ça se voit qu'elle est vieille parce qu'elle parle toute seule. Ah ouais. Et si t'écoutais. Quand t'auras mon âge, tu seras pareil. Si t'écoutais assidûment Fun Radio, tu aurais eu la réponse, Martine. J'écoute pourtant c'était tous les jours. Daft Punk, Martine. Ah oh, bah oui, on peut. Ah bah oui, ouais, du Daft Punk. Je suis nul. Mais non. Et je l'ai. En plus, je l'ai, ce truc. Oh, ah, il ne dévalorise pas. Il n'est pas sorti encore, Martine. Ne te chauffe pas, tu ne peux pas l'avoir. Enfin, en même temps, tu, sur Snapchat, tu n'as pas de... Bon, Léo. Ouais. Ben, il faut marquer au moins un point maintenant. Mais... Ah, j'ai... Oula. Ça va, puis on remonte dans le temps, là. Hey, là, Martine. Ça, oui. Tu connais ça, t'aimes bien ça. Tout à fait, tout à fait. Allez, Martine, elle bouge. Allez, on enlève sa culotte. Quelle est cette pub des années 80 où on retrouvait cette phrase devenue célèbre, Léo? Reviens, Léon, j'ai les mêmes à la maison. C'était une pub pour quoi? Merci Léo. Granola, non, c'est impossible ça. Granola, non. C'était, bah, c'était pas loin, c'était Panzani. Bah, c'était pour des pâtes, ouais. Martine, ça peut se jouer maintenant. Si tu as la réponse à cette question, tu gagnes la PS4 et la télé. Ok, mais facile. Oui, oui, tu vas voir. Ouais, qui est cette chanteuse américaine qui vient de devenir la première à passer les 100 millions d'abonnés sur Instagram? Et je te passe en plus un extrait de la chanteuse. Ah. Whitney Spritz. Whitney Spritz. Whitney Spritz. Vous connaissez les Spritz, les cocktails italiens? Bien sûr. Mais c'est Whitney Spritz, un peu bourré, mais super sympa. Martine, Léo. Oui. La décision du juge est simple. C'est un match nul, personne ne gagne. Oh. Mais un match nul dans le sens nul, nul. Ah ouais, vraiment. Ouais. C'était Selena Gomez. Martine, on t'embrasse. Oui, bah moi de même. Bisous, bonne journée. Léo. Bisous. Oui. Bonne journée, mon poteau. Merci. À bientôt. Bisous. Oh là là. C'est pas facile, non. Enfin, c'est pas facile. Whitney Spritz, quand même. Excusez-moi. La chanson du jour, ça arrive sur Fun Radio. Et là, vous vous dites, mais c'est quoi le sujet de la chanson du jour ce matin? Je vous le dis dans moins de deux minutes, là, avant les news. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance, électro. C'est Fun Radio. Hi, it's Neil Sazen on Fun Radio. Feder. Calvin Harris. Félix J. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, là c'est pas bon. Hein. Ah, pour Lidl ? Ah non, pour nous, ils lancent une gamme de produits bio. Des œufs, de l'huile d'olive, du lait. Mais du coup, les prix c'est plein pot. Ah bah non, ça vaut vraiment le coup. Hein. Dès demain par exemple, les yaourts bio saveur vanille sont à 99 centimes les 4 pots de 125 grammes. Moins 20 euros les 4. Ah oui, 99 centimes les 4 yaourts bio saveur vanille. Pas de pot, hein, c'est le vrai prix. Ah, on est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 1,98€ le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au mardi 4 octobre. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Imaginez-vous libre avec Boursorama Banque. Libre de joindre votre conseiller jusqu'à 22h. Et libre d'effectuer vos opérations bancaires 24h sur 24. Libérez des horaires en fait. Libérez-vous de la banque. Essayez Boursorama Banque. Boursorama Banque, la banque en ligne avec vous. Et en ce moment, 80€ offerts pour toute première ouverture d'un compte bancaire. Offre valable jusqu'au 12 octobre 2016. Détails de l'offre, des services et des horaires sur boursorama-banque.com. Bougez pas, Bruno. J'aime bien la démarche de la chanson du jour de ce matin. C'est une mère qui veut qu'on appelle sa fille. Sa fille, elle a 16 ans et elle est un peu en barade de couilles, de mensonges, de tout ça. Et donc, elle veut passer par nous. En fait, ce matin, je vais faire Pascal le grand frère, les amis. Ça va être juste après les news. À tout de suite. Fun Radio. Le son. Fleur. Le point sur l'actu de ce mardi 27 septembre, Maxime Poulaouec pour les news. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. On commence par la météo. Une belle journée de soleil presque partout. Des nuages uniquement dans le nord-ouest, plus particulièrement le long de la Manche avec un peu de pluie. Il fait ce matin 9 à 13 degrés jusqu'à 18 en Méditerranée. Pour votre après-midi, prévoyez 19 à Cherbourg, 21 à Reims, Tours, Clermont et Tarbes. 22 degrés pour Paris et la région lyonnaise, 26 degrés à Nîmes. Plus 1,4% de chômage repart à la hausse au mois d'août, selon les derniers chiffres publiés hier, une véritable claque pour le gouvernement après des mois encourageants. Le nombre de demandeurs d'emploi s'établit à 3 560 000. La ministre du Travail explique une dégradation de la situation dans certains secteurs à cause des attentats. Les salariés d'Alstom à Belfort veulent quant à eux garder leur travail. Le site est sur la sellette. Le PDG a rencontré hier les organisations syndicales. Il attend les mesures du gouvernement avant de confirmer la fermeture ou non. Une manif aura lieu devant le siège du groupe à 11h en Seine-Saint-Denis. L'image avait fait le tour du monde. Le DRH d'Air France chemise arraché en octobre 2015. 15 salariés de la compagnie sont appelés à comparaître aujourd'hui à Bobigny, poursuivis pour violence en réunion et dégradation. 5 salariés ont déjà été licenciés. François Hollande veut démanteler la jungle de Calais avant la fin de l'année. Il l'a annoncé hier aux acteurs économiques de la région lors d'un déplacement. Il reviendra sur place ensuite pour qu'il n'y ait pas de doute sur sa volonté et ses intentions. Vers la piétonnisation des voies sur berge à Paris, le conseil de la ville a validé le projet hier. La maire a salué une décision historique, la fin d'une autoroute urbaine et la reconquête de la Seine. Un arrêté municipal doit être maintenant publié. Chaque jour, 43 000 véhicules circulaient sur ces berges. Et puis le foot, la Ligue des Champions, c'est ce soir à 20h45. Les deuxièmes matchs de la phase de groupe avec deux clubs français, Monaco, Bayer Leverkusen et Lyon, qui se déplacera sur la pelouse du FC Séville. 7h33, bon réveil avec Bruno dans la radio sur Fun. Wow, Bruno, sérieusement, il y a une case qui vous manque ou quoi? Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. C'est mardi, c'est le 27 septembre. Bon réveil la famille. Merci d'être là sur les réseaux sociaux, là, Instagram, Snapchat, si on en parlait tout à l'heure, la page Facebook de l'émission, ou alors Twitter. Vous utilisez le hashtag Bruno Fun Radio, top tweet France là depuis 6h du matin. Hashtag Bruno Fun Radio. Beaucoup de fou rire là concernant la petite mamie du choc de génération. Ouais, Martine a été bien. Whitney Spritz. Sound of Legends, ça arrive sur Fun Radio. Et on parlait des chouchous du moment, moi c'est ça en ce moment le mien. Toujours, hein, Parakeet. Et Jennifer Lopez. Ça c'est ce qu'on va vous passer avant 8h du matin. Par contre, avant 8h du matin, on ne passera pas... Whitney Spritz. Non, Whitney Spritz, on la mettra pas. On a comme un petit problème. Le mardi, Bruno règle vos problèmes avec la chanson du mardi. Faites sonner le clairon pour Ingrid. Bonjour Ingrid. Bonjour Bruno, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour toute l'équipe. C'était dans le sketch des inconnus où il y avait une Ingrid. Oui. Ingrid, est-ce que tu... Je sais plus ce qu'il lui demandait. Il baise, hein, je crois. Bon, je crois qu'Ingrid, elle le connaît aussi. Ah oui, vu ce rire. Ah oui, par cœur. À mon avis, on a dû te le faire plusieurs fois au téléphone. Oh oui. Hey, t'as pas toujours... Est-ce que tu baises? Oh là. T'as pas toujours dit non, Ingrid, va. Putain, on a le son, putain, c'est ouf. Et cette équipe, j'ai l'impression que là, en 2016, ça devient n'importe quoi. Regarde, j'appuie. Ingrid, est-ce que tu baises? Oh là. Voilà. Bon, Ingrid, tout ça, c'est pour te détendre un peu, puisque dans la chanson du jour ce matin, tu nous as demandé d'appeler ta fille. Ta fille, oui, s'appelle Suzy, elle a 16 ans. Oui, elle va avoir 17 ans, ouais, le mois prochain, ouais. D'accord. Alors, tu m'as mis que vous étiez plus ou moins proche selon les jours, mais ça, c'est normal. Hein. Elle a 16 ans, t'en as 41, ça s'appelle les conflits de génération, ça, ma chérie. Le problème, c'est qu'il y a 10 jours, elle est partie de la maison, Suzy, en te disant « Je vais chez un copain tout le week-end à Lons ». C'est bien ça? Oui. Mais oui. Lundi matin, grâce à la géolocalisation, t'as appris qu'en réalité, elle était à 30 km de là et qu'elle avait passé le week-end chez un mec qu'elle a rencontré sur l'application de rencontre Love. Oui. Déjà, est-ce que tu peux m'expliquer le délire de la géolocalisation, s'il te plaît, Ingrid? Bah en fait, elle a accepté la localisation sur Facebook. C'est une nouvelle application, je crois. On accepte ou on refuse. Ouais. On voit où se trouvent les personnes en temps réel, en fait. Oui, oui. Et puis là, j'ai vu qu'elle était pas vraiment à Lons, non. Elle était à 30 km au sud de Lons, donc chez un mec qu'elle avait jamais vu de sa vie. Mais comment tu sais qu'elle était chez un mec qu'elle avait jamais vu de sa vie? Parce que j'ai envoyé un message juste quand j'ai vu qu'elle était à Cousance, justement. Ouais. En lui demandant, qu'est-ce que tu fais à Cousance? Ouais. Elle me dit, maman, je t'expliquerai ce soir. Yo là. J'ai dit, non, tu m'expliques tout de suite. Enfin, du coup, elle m'a expliqué la situation. Ah ouais, d'accord. Et elle t'a dit qu'elle était chez un mec qu'elle ne connaissait pas? Oui. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Alors, bah, enfin, ça s'est très bien passé, cette fois. Mais ce que tu me disais justement, Ingrid, c'est que voilà, tu voulais qu'on l'appelle pour lui faire prendre conscience. Toi, tu l'as puni, bien sûr, privé de sortie pendant une semaine. Mais voilà, tu avoues avoir perdu toute confiance en ta fille. Ce que tu voudrais, c'est la retrouver. Et tu veux ouvrir le dialogue, d'où ta démarche de faire appel à la chanson du jour. C'est bien ça? Tout à fait. Bon, oui. Ingrid, on lui fait passer le message. D'accord. Et le but, c'est que vous redeveniez un peu copine, quoi. Oui. Bon, on lui fait passer le message et après, on te la passe, d'accord? D'accord, très bien. Ne quitte pas. Au téléphone avec moi ce matin, il y a Suzy. Salut, Suzy. Salut. Suzy, je m'appelle Bruno, t'es en direct sur Fun Radio, l'émission Bruno dans la radio. Oui. Tu nous connais? Oui. Très bien. Bon, tu sais comment ça se passe. À 7h30, alors, on a une rubrique qui s'appelle « La chanson du jour ». Et ce matin, c'est sur toi que ça tombe. On a un message à te faire passer, Suzy. C'est une chanson de la part de ta mère. D'accord. Ouais. Là, elle est en train de se dire... Là, elle est en train de voir tous ses potes de lycée qui vont l'afficher quand elle va arriver au lycée tout à l'heure à 8h30. T'écoutes les paroles, on en parle après, Suzy. D'accord. Eh ben, c'est parti. Si ta mère a appelé la radio, c'est histoire de t'engueuler version 2.0. Elle s'est dit que ça passerait mieux en appelant Bruno, histoire de ne pas passer pour cette mère lourdeau. Le truc c'est qu'elle a plus confiance en toi, et on voudrait que tu prennes conscience ce matin de tout ça. Car tout ce que tu as fait Suzy, ça ne se fait pas, même si t'as l'impression qu'elle ne te comprend pas. Mais le truc c'est qu'elle va bientôt craquer, et tu t'en mordras les doigts. Même si je sais que tu en as rien à carrer de tout ça. Réfléchis bien si c'est le cas. Dis-toi que ta chambre, au final, c'est toi qui l'arrangeras. Réfléchis bien si c'est le cas. Ton linge qui sera même plus lavé, c'est toi qui le repassera. Sans parler de ton argent de poche, tu te foutras où je pense. J'aime bien le dans ton cul de la fin qui a été logé en thread. Discretos. Bon, Suzy, en fait, ta mère, elle nous a expliqué le délire là, de Love Do et du plomb que tu t'es fait à 30 bandes de chez toi avec un mec que tu connaissais pas. Tu regardes des fois Faites Entrer l'Accusé ou pas, Suzy? Non, pas du tout. Ouais, ça se voit. Et bah, Faites Entrer l'Accusé, c'est plein de gens comme toi, hein, vraiment, qui se font des plans avec des gens qu'ils connaissent pas sans prévenir personne. Et puis après, ils reviennent plus à la maison. Voilà, ou alors si, ils reviennent, mais en plusieurs morceaux. Non, mais surtout, il y a que moi qui trouve la mère super cool par rapport à ce qu'elle a fait. Suzy, et tu te rends compte que ça aurait pu mal se passer le délire ou pas? Oui, je m'en rends compte, mais sur le moment, non. Ah oui, c'est sur le moment. Non, mais on fait tous des conneries, mais bon, là, c'est vrai que c'est chaud. Toi, t'étais pas la dernière. Ah non, moi, j'en ai fait beaucoup des conneries. Heureusement que ma mère n'avait pas la géolocalisation. J'avais pas ça, mais bon, quand même. C'est vrai que Christina Guilloton est identifiée à Gangbang. C'est quoi ça? Suzy, en fait, c'est vrai, c'est ça qui est chiant, en fait. C'est chiant d'avoir 16 ans en 2016. T'aurais eu 16 ans en 90, t'avais pas de téléphone portable, t'avais pas de géolocalisation. C'est sûr. Tu pouvais te barrer. Ta mère, elle t'envoyait un courrier pour t'engueuler, le temps que je le reçoive. De toute façon, t'étais rentré. Bon, Suzy. En fait, je te fais passer le message. Pourquoi? Parce que bah, du coup, ça a été une prise de tête avec ta mère qui aimerait juste que tu te responsabilises un peu et que vous deveniez, que vous redeveniez plus copine, ce que vous avez un peu perdu en fait. Oui. Bah oui. Ah oui. Enfin, moi, je te le dis. Le mieux, c'est que ce soit elle qui te le dise. Ingrid, t'es en direct avec Suzy. Coucou ma puce. Coucou. Surprise. Oui. Donc voilà, j'ai fait passer le message. Je t'ai dit que t'avais pas fini d'entendre parler. Et puis je pense que t'as compris cette fois. Oui, je sais Au-delà de la vanne. Non, au-delà de la vanne, Suzy, ça peut mal se finir, hein, ce genre de délire. Oui, en plus ta mère elle a l'air cool, donc dis-lui juste où t'es, comme ça s'il y a un problème, elle le sait. Puis voilà. Suzy, t'as 16 ans, tu sais qu'à 16 ans, enfin moi je me mets du côté des garçons, moi je suis team garçon. Hein. Je sais pas si vous avez vu. Non mais attention, nous on est des mecs bien. Je suis sûr que tous quand on était jeunes, on était respectueux, ça, on n'était pas du genre à enfermer dans la cave. Ou alors, on fermait la cave mais pas à clé. Suzy, le mec que t'allais voir, il avait quel âge? Tu veux le Il avait 20 ans. 20 il avait 20 ans. Oh, bah très bien. Oh. Bah, très bien. 20 ans, t'en as 16. Et il pensait pas qu'à baiser en plus, le gars, on va pas se mentir. Non, mais après, mais c'est ton mec du coup ou non? Oui. Ah, c'est ton mec depuis ce week-end? Oui. D'accord. Et, Ingrid, elle est morte de rire. Ah, ma fille de 16 ans, elle parie pécho à 30 heures de la maison. Détournement de mineur, c'est trop drôle. Eh, Suzy, bah du coup, si tu veux faire passer maintenant l'info comme quoi t'es enceinte et que tu deals du shit, vas-y. Hein, t'as mal, là, j'ai l'impression qu'elle a pris des cachets avant, tu peux faire passer n'importe quoi. Ah, Eh, hey, Suzy, dis-lui, il n'y avait pas qu'un gars, ils étaient 16. Arrête, Bruno. Mais hey, Ingrid, de toute façon, ne te stresse pas, tu vas pouvoir voir à quoi ils ressemblent sur jackieetmichel.fr. Mais ça suffit, oui, elle a 16 ans. Mais oui, mais ça se trouve, ils sont super amoureux, ça va durer 20 ans, et puis c'est très bien. Et puis sinon, si c'est pas la même histoire qu'il y a une vidéo, on veut la voir. Voilà. Ingrid, on a fait passer ton message. Je te trouve quand même extrêmement cool. Moi, tu vois, je voulais faire un peu le daron, mais toi, t'as l'air un peu détendu sur le délire, Ingrid. Bah oui. Bah, c'est une maman cool quand même. Ouais. Eh ben, écoute, on en reparlera. Ouais. Suzy, on t'embrasse, ma belle. Oui. Ciao, bisous à tous les deux. Peut-être qu'elle fait des conneries pour se venger que sa mère l'ait appelée Suzy. Elle a les boules depuis qu'elle est née. C'est vrai qu'il y a une jurisprudence. Non, ouais. Oh, c'est mignon, Suzy. Ouais, non. C'est mignon. Ouais. Mais non, c'est beau, Suzy, bien sûr. Ouais, dans un dessin bien. Animé, ouais, un truc comme ça. Ah oui, ce serait un personnage quoi, Suzy? Genre une otarie? Ouais, une loutre. Suzy la loutre, coucou. C'est ce qui arrive sur Fun Radio, Sound of Legend et Parakeet. Votez maintenant. Vote for me. Fun Radio DJ Awards. Depuis l'ADE à Amsterdam, l'événement incontournable du DJing. Connectez-vous sur partyfun.fr et votez pour vos DJ préférés. Qui des DJ Fun Radio? Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Diplo ou Martin Garrix repartira avec le plus de trophées. Réponse en direct de l'ADE à Amsterdam du 19 au 23 octobre avec les Fun Radio DJ Awards. Fun Radio DJ Awards. Sur Fun Radio. Vote for me. Votez pour moi. Go! Le son Dance Floor. À votre avis, ça coûte combien de se faire livrer à domicile et à volonté toute l'année? 49 euros? Et non! Sur Cdiscount, c'est seulement 19 euros. Avec Cdiscount à volonté, faites-vous livrer dès le lendemain et ça toute l'année, autant de fois que vous le voulez, des millions de produits pour seulement 19 euros par an. Cdiscount? Vous êtes plus riche que vous ne le croyez. Offre pour toute commande supérieure à 25 euros, soumise à condition, consultable sur Cdiscount. Top! J'ai 20 secondes pour vous dire que chez Feu Vert, ce sont les 30 jours de l'expert. 30 jours d'offres tip-top. Exemple, pour votre carte grise, Feu Vert s'occupe de tout. Il vous offre 10 euros sur votre prochain achat. Mais attention, vous n'avez plus que 2 jours pour en profiter. Alors vite, il n'y a pas une seconde à perdre. Voir conditions sur feuvert.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, là c'est pas bon. Ah, pour Lidl? Mais non patron, pour nous, ils lancent une gamme de produits bio. Des œufs, des yaourts, du lait, la totale quoi. Bah du coup, les prix sont aussi bio. Ah bah non, hein, ça vaut vraiment le coup. Dès demain par exemple, l'huile d'olive vierge extra et bio est à 3,59€ les 50 centilitres. C'est les salades. Mais non patron, l'huile d'olive bio vierge extra à 3,59€, bah c'est le vrai prix. Oh, on est mal. Très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 7,18€ le litre. Offre valable jusqu'au mardi 4 octobre. Pour votre santé, bougez plus. Emmenez Fun Radio partout avec vous. Avec l'appli Fun Radio. Fun Radio. Sur iPhone. Radio, la radio connectée avec vous sur Twitter, Instagram et Snapchat. Avec le compte Fun Radio FR. Toute la journée, partout. Suivez Fun Radio. Non-stop. Fun Radio. Le son Dance Floor. Hola. Hola, na. She telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me, to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. African American, for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me, to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She from Africa. But she fuck me like she Haitian. Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candy camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali. I never disown her. She got a high grade. Her weed come with diplomas. I want her. But she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me, to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. Bruno dans la radio. Je l'espère bien. 6h-9h sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Bon réveil mardi, nous sommes le 27 septembre. Save Me, c'est de Parakeet. Moi j'aime bien ce truc. J'aimerais savoir comment ils font les stoing. La voix là. Ah oui. Et les trucs derrière. Les gros cris. Bruno, c'est avec l'ordinateur, c'est ouais, des samples. J'aimerais bien qu'on me montre. Il suffit de prendre la voix. Mais je m'en fous, moi, je voudrais réussir à faire un son. Bon, bref. On va essayer ça, Bruno. On aura à 8h du matin. Oh, brioche ou croissant de kiff ce matin. Est-ce que vous savez qui fait le choix entre brioche ou croissant ce matin? Non. François Hollande. Non, il fait pas le choix, il bouffe les deux, lui. Maître Gims, les amis. Il va faire tout à l'heure le brioche au croissant. Mais pour l'instant, je voudrais qu'on accueille Gaëtan. Il est à Vège. Ça se dit Vège? Vèges? Gaëtan, bonjour. Vège. Comment tu l'appelles? Bruno, dans la radio. Des fois, j'ai l'impression d'être dans une secte. Ouais. C'est-à-dire que les gens, ils arrivent à l'antenne, tu peux me poser une question, quoi, ils s'en foutent, ils sont de mettre. Attends, il va me parler, je vais dire. Oui, non, non, radio. C'est quoi, mon angoisse, c'est qu'un jour, je vais avoir un problème en voiture, tu vois, sur le bord de la route, un truc pas grave, j'espère, et quelqu'un va s'arrêter en me disant, il va m'aider, je dirais, s'il vous plaît, il me fera. Oui, non, radio. Oh, monsieur, je suis en train de perdre tout mon sang. Ils sont pas fâchés. Eh, Christina, il est gentil dans la vie, il a vraiment de la moustache ou pas? C'est parce que je suis en train de perdre tout mon sang et tout. Elliot, il est décollé ou pas? Oui, non, radio. Je suis en train de mourir. Eh, hey, au revoir. Eh, t'es pas de lui si la radio. T'es pas de lui s'il peut payer une facture. Gaëtan, ça se prononce comment où t'habites? J'habite à Vège. Pardon. J'habite à Vège. Alors, Gaëtan, il paraît que tu as rêvé de moi. Oh, oh. Alors, oui, j'ai fait un rêve de toi, Bruno. Oui. J'ai rêvé que, du coup, j'allais chez toi pour venir te voir. Ouh là là là là là là là là là là. Alors, attends, bouge pas. Remettons ce générique qu'on avait enlevé. Oui, alors, et donc Donc, j'ai rêvé que j'allais chez toi. Oui. Et arrivé chez toi, quand j'ai ouvert la porte... C'est pas Bruno, Elliot. Non, non. Je t'ai trouvé avec David Guetta en train de boire un verre de vin rouge. Ah, bah... Avec David Guetta en train de boire un verre de vin rouge, ouais, très bien. Bah, tout, voilà. C'est possible, jusque-là. Ah, bonne franquette avec le David. Et alors le truc, c'est que vous étiez en train de parler anglais. On parlait anglais ? Ah, oui. Oui, bien sûr. Attends, mais imaginons la scène, ça donnerait quoi du coup ? Ah ouais, il faut imaginer. Alors David va être joué par Vaché. Je crois que j'ai pas envie de rentrer dans cette non. C'est quoi ? Vous voulez m'emmener dans un endroit ? Ouais. Eh bien regardez-moi, je n'irai pas. D'accord. Il y a des pièces de théâtre, tu regardes le scénario comme ça. Ouais. Et dès les premières pages, tu dis attends. C'est pas bien. Mais Gaëtan, ça se finissait comment du coup après ce délire ? Bah ça se finissait que tu m'as invité à boire un verre avec vous. Ah ouais. Et puis voilà, puis du coup je venais pour récupérer la compile parce que t'en parles tellement depuis des semaines de la compile de radio. La compile de qui ? Mais de Fun Radio, et du coup c'est pas pourquoi je passais chez toi pour la récupérer. Mais ouais, attends, tu veux dire la compile Fun Radio ou la compile de bah, non, là, non, non, la compile Fun Radio. Et ben tu sais quoi, on va t'envoyer une compile Brûlo dans la radio. Bah c'est super, je te remercie Bruno. Et ben y a pas de souci. Je veux que tu me refasses un petit dernier Brûlo dans la radio parce que tu l'as fait avec tellement de classe et de légèreté. Brûlo dans la radio. Oh ouais top tio. Merci mon chou. Bisous. À la foutre moi. Tu saignes. Paye de facture. Ou je te fais signer encore plus. Brûlo dans la radio. Tu payes nos factures ou je te bute. Putain, regarde les montres de sang, regarde, écoute, regarde les enceintes, regarde, écoute ça, putain. J'ai foutu 12 200 watts. Mangez mon mort. Regarde, ça s'allume sous la voiture. Monte le son, je monte le son, je monte le son. Oui, non, non, non. Tu saignes. Et ça paye. Écoute, écoute ça. Tu sais mais que j'écoute. C'est bon, non, non, non, attends. Fais un fond de troisième. Hé, hey, si j'accélère, je suis sûr que je peux passer de 180 sur autoroute. Allez, pousse les flics. Bon, ton son. Écoutez Fun Radio, bienvenue dans 5 minutes, 8 heures. Le JPI sur Fun Radio. Hashtag Brûlo Fun Radio, il y a Mickaël Bertrand qui dit arrêtez, j'en peux plus, c'est gênant de mourir de rire dans le tram. Il y a Sonia qui dit vous venez de me vendre du rêve, hashtag Brûlo Fun Radio. Il y a Vincent qui dit en train de taffer, je me tape un fou rire, merci la famille. Là aussi hashtag Brûlo Fun Radio, écoutez, tout va se calmer puisque c'est l'heure du JPI, le journal pas en image. C'est bien d'avoir ri avant, faux journal de l'émission, c'est tout de suite la deuxième édition. Bonjour, je suis Karine Assiamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et pour commencer, l'info qui ne sera pas développée dans ce JPI. Aucune personne n'a jamais réussi à mettre une clé USB du bon côté, du premier coup. Et pour commencer, États-Unis, c'est cette nuit qu'avait lieu le premier débat entre Donald Trump et Hillary Clinton. Alors, qui a gagné ? Les coiffeurs. Innovation, ça fait la une du Parisien aujourd'hui en France ce matin. De plus en plus de robots et de logiciels sont capables de parler et de répondre à des questions. Ta gueule. Bah, ça va pas, non? Dans 2 mois, tu dégages avec l'autre conne et je prends votre place au JPI. Et dans 6 mois, je dégage les 4 cons et je lance Siri dans la radio. Ah, ah, ah. Siri, nous mort. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la Fashion Week à Paris avec 91 défilés en 9 jours. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Oui, je suis justement avec les mannequins qui viennent de répéter un défilé pour ce soir. Mais qu'est-ce qui se passe ? Elles ont un problème ou quoi, Anthony, là ? Disons que quand vous pesez 35 kilos pour 1m80, c'est pas facile de marcher 10 mètres en aller-retour sans mettre sa vie en danger. Ouais, effectivement, c'est un peu inconscient de leur part, hein. Et pour finir, si vous aimez les humoristes et les bombes, découvrez Danny Boom. Et ben voilà, c'est la fin du JPI. À tout à l'heure, nous serons tout à l'heure. Alors à tout à l'heure. Alors moi, le JPI, ouais. je suis pas fan parce que je comprends pas ce qu'il... Moi j'adore. Je comprends pas ce qu'il raconte. Ah. Mais par contre, après... J'aime bien Karina parce qu'elle est pêche. Ah, il roule chiant la meuf. Allez, mets ta jupe, va. Monte ton boule, frère. Ah, je l'adore, cette meuf. Je la baisse quand je veux. Oh. C'est quoi ton numéro 06? Attends, oh, j'ai des abdos. Stop. Emmenez-le. Sortez-le. Non, baisse devant moi. Je sais pas pourquoi j'ai cette voix. Je suis bloqué. J'arrête pas de cracher. J'arrête pas de cracher quand je parle. Désolé, Karina. Non, baisse devant moi. J'ai plus de voix. C'est lui, The Parakeet. Ça arrive sur Fun Radio. Il y a un brioche au croissant avec Maître Gims à 8h10, on va payer de la facture. Et puis restez ici les amis, puisque je vais vous donner, d'accord, le temps que pourraient consacrer les hommes à faire des câlins dans une journée, d'après vous. S'ils pouvaient le faire, combien de temps dans la journée ils pourraient le faire? C'est une enquête très sérieuse, en temps, une durée, quoi. D'accord. Va chier, combien de temps tu pourrais, si tu pouvais? Si je pouvais faire l'amour, genre autant de temps que je veux, genre je suis une machine, quoi. Ouais. 3 heures par jour, je pense. 3 heures par jour, ah tu ouais, pourrais, ça, d'accord. C'est cool. Bon, ben on va vous donner la réponse. Je suis tombé sur cette enquête-là, on va en parler. Et avec Karina. Excusez-moi, je sais pas ce qui se passe. Pas de soucis, excuse-moi. Allez, je t'emmène. Tu vas balancer quoi comme son après là? Oh, il y a quoi comme son, vas-y. A tout de suite. Ouvrez le tête. La radio numéro 1 sur les nouveautés. New music. C'est Fun Radio. Félix J. I am the bonfire. Hi, it's Zara Larsson on Fun Radio. Feder. It's the Chainsmokers on Fun Radio. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Tiens, encore une nouvelle fraîche de Carrefour Market. J'aimerais faire ma cave. Qu'est-ce que vous me conseillez en ce moment ? Eh bien, Michel, c'est la foire au vin chez Carrefour Market jusqu'au 2 octobre. On va découvrir les secrets des domaines. Et on va où en ce moment ? Dans le Médoc. Par exemple, pour l'achat d'une bouteille de rouge Château Grand Médoc 2012, la deuxième est gratuite, soit 8,95€ les 2 bouteilles. Décidément, avec vous, on fait le tour des domaines. Carrefour Market. Bouteille de 75 centilitres, magasin participant sur carrefourmarket.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Bonjour, c'est Benjamin Castaldi. Jiffy fête ses 35 ans et nous fait gagner 35 millions d'euros. Tu télécharges l'appli Bravo Loto 100% gratuite, tu joues et tu gagnes. Je sais, j'ai déjà gagné. Chanceuse. Combien ? 250€ de bon d'achat sans condition. Et il y a aussi le jackpot minimum de 10 000€ en cash tous les soirs. Jouez en téléchargeant l'appli Bravo Loto 100% gratuite. Voir règlement sur jiffy.fr. Jiffy, des idées de génie. Leclerc. En ce moment chez Leclerc, avec les super pouvoirs d'achat, un paquet de farine de blé et blé acheté, un paquet de farine de blé et blé offert. C'est de la super farine, ça. Bah évidemment, pour la cuisine, les gâteaux. Ah, les gâteaux. Gourmand. Ah bah, à ce prix-là, je veux. Du 27 septembre au 1er octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Pour l'achat d'un paquet de farine de blé et blé, cœur de blé d'un kilo, le deuxième est offert. Voir conditions dans les magasins participants. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Moi, valeureux candidat. Moi, trouver job grâce à méthode ancestrale. Moi, faire signaux de fumée pour envoyer un CV. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche un job en mode Apache. T'es sérieux, là? Bah oui. Mais sors de ton Tipeee. Faut que tu télécharges Corner Job. Corner Job, c'est quoi? Une appli simple, efficace pour trouver un job dans la restauration, le commerce, les services et plein d'autres secteurs. Ah bah, je télécharge direct. Corner Job, téléchargez l'appli. Créez votre profil en une minute, postulez en un clic, recevez une réponse en 24 heures. Corner Job, vous commencez demain. Bougez pas, Bruno. Mardi, c'est le 27 septembre, c'est Fun Radio. Bon réveil la famille, là dans quelques secondes, il y a Maître Gims qui fait son brioche ou croissant juste après les infos sur Fun. Fun Radio, le son Fla. Le point sur l'actu de ce mardi, c'est le 27 septembre. C'est Maxime Poulaouek pour les news. Bonjour. Et bonjour Bruno, bonjour à tous. Allez, le temps pour commencer. Du soleil sur les trois quarts de la France. Les nuages qui résisteront dans le nord-ouest, des Charentes à la Normandie avec un peu de pluie. Il fait 9 à 13 degrés ce matin jusqu'à 18 en Méditerranée. Ce sera doux l'après-midi, 19 à 22 degrés en moyenne, mais toujours plus chaud vers la Grande Bleue avec 26 degrés. La douche froide pour le gouvernement. Les chiffres du chômage ne sont pas bons. Le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 1,4% au mois d'août pour s'établir à 3 560 000. Une hausse inédite depuis janvier 2013. La ministre du Travail l'explique en partie par les difficultés rencontrées dans certains secteurs d'activité particulièrement affectés par les attentats. 15 salariés d'Air France devant la justice à Bobigny. Ils seront jugés à partir de 9h pour violence en réunion et dégradation. En octobre 2015, l'image du DRH de la compagnie Chemise Arrachée avait fait le tour du monde. L'intersyndical appelle à une grève et un rassemblement aux abords du tribunal. Un rassemblement également des salariés d'Alstom. Ils se rendront à 11h devant le siège du groupe en Seine-Saint-Denis pour protester contre la fermeture du site de Belfort. Le PDG a indiqué hier la suspension du projet de fermeture en attendant les mesures du gouvernement pour sauver le navire. Elles sont prévues pour le début du mois d'octobre. Changement de vitesse. À partir du 1er octobre, la vitesse sera limitée à 90 km/h sur la rocade de Rennes contre 70 depuis un an. La phase test n'a pas convaincu la préfecture d'Ille-et-Vilaine. La qualité de l'air s'est dégradée sur la portion à 70. L'écoulement du trafic ne s'est pas amélioré. Le nombre d'accidents a légèrement augmenté. Et puis du football, ce soir on jouera la deuxième journée des phases de groupe de la Ligue des Champions avec deux clubs français qui seront de la partie. Un déplacement compliqué pour Lyon en Espagne sur la pelouse de Séville alors que Monaco recevra le Bayard Leverkusen, c'est à 20h45, 8h passées de 4 minutes. Bon réveil sur Fun avec Bruno dans la radio. Bruno on Fun Radio. Mardi, c'est le 27 septembre, c'est Fun Radio, vous écoutez, il est 8h04. Bonjour! Bonjour! Fun Radio, le son Dance Floor, la radio qui vous a fait découvrir le Parakeet. C'est ça, c'est la truc là. Regarde, écoutez, c'est là que je vous dis. Là, là, ça laisse. J'adore ce truc. Wildcard Cashmere, ça arrive aussi dans la demi-heure. Toute l'équipe de Bruno dans la radio qui est là. Il y a Christina, donc on vient de me dire hors antenne, l'équipe de JPI me disait que Christina, tu ressemblais à Hillary Clinton. Ah non, mais c'est Karina qui arrête pas avec ça hier. Franchement, déjà, c'est très vexant parce que bah, elle est très vieille. Surtout et que tu ressembles plus à Donald Trump, moi. Et puis, elle est pas très belle. Quoi ? Elle est même. Bah oui, elle a été belle, fut un temps, mais c'était il y a très longtemps. Non, pour son âge, elle est pas mal. Pour son âge. Tu parles de qui ? Il a dit Hillary ou Christina ? Parce que du coup, de toute façon, vous avez le même âge, non ? Ouais, c'est ça. 60. Il y a Vaché qui est là ce matin. Bonjour. Beaucoup de messages qui arrivent avec le hashtag Bruno Fun Radio de pétage de rire là ce matin. Oui, on est parti dans un délire avec avec Vaché. Ça peut nous arriver. On prend pas de drogue, hein, si vous posez la question. Mais peut-être qu'on devrait. Écoutez, voilà, c'est un pétage de plomb, c'est un pétage de plomb. Si vous l'avez raté, vous l'aurez peut-être dans le top 3 d'Eliott tout à l'heure. Oui. Ça va, Eliott? Oui, ça va. Moi, je rigole bien en vous regardant. Hein. Ah, cool. On se marre bien. Ouais. Les amis, faut que je vous parle d'un truc. Oula. Déjà, je vais éternuer, je pense, donc je préfère vous prévenir. Regarde la lumière pour que ça arrive plus vite. Ouais. Quoi? Bah oui, vous connaissez pas ce truc. Hein. C'est vraiment des trucs de grand-mère. T'es vraiment... Et je peux... anecdote, c'est pas du tout ce que je voulais dire, mais vous savez que cette émission, voilà, on l'a fait au feeling, on raconte ce qui se vous passe dans la vie. Oui. Ce matin, en venant en moto, pour la première fois de ma vie, j'ai éternué dans mon casque. Et du coup, ça donne quoi alors? Et bah, c'est très chiant parce que du coup, si tu veux, j'ai pas eu le temps de m'en rendre compte et ça fait un Et sur la vitre, mais à l'intérieur. Et comment tu fais alors? Et bah là, t'es emmerdé parce que j'étais sur l'autoroute, donc du coup, tu peux pas essuyer, donc c'était un peu compliqué. Bon, bref, je voulais pas vous. Et t'as toujours pas éternué du coup? Hein? Non, ah ouais. C'est pas venu. On a eu du teasing et puis rien, puis pas d'éternuement. Super. Les amis, je veux vous mettre sur la page Facebook une pub. D'accord. C'est la nouvelle pub, parce que là, dans l'équipe, ils ne l'ont pas vue. Mais j'aimerais que vous me disiez, on va vous la mettre sur la page Facebook. J'ai vu hier soir, tu sais que, bon, vous me connaissez maintenant, on commence à se connaître, et je suis très... c'est fleur bleue? Non, comment on peut appeler ça? Non, t'es sensible. Voilà, je pleure facilement. Oui. Hier, les amis, j'étais en train de faire mon sport devant la télé. Et j'ai chialé. Mais quand je vous dis j'ai chialé, et c'est là où je voudrais saluer les publicitaires, parce que des fois, en 45 secondes... D'ailleurs, vous savez quoi? On va faire le test. Hors antenne, je vais vous montrer la pub dont je vais vous parler là et je vais voir ceux de l'équipe que ça émeut ou pas. D'accord. C'est la nouvelle pub Ikea. Ah, je l'ai vue hier, ma meuf elle me l'a montré, je l'ai traité de comptable, genre je lui ai dit, on dirait que tu m'envoies des mails chaque matin avec des vidéos. C'est une femme qui va faire des courses avec son fils chez Ikea. Ouais. Je peux pas vous raconter la fin, je la mets sur les réseaux sociaux. D'accord. Mais à la fin, je vous jure, j'ai eu la larme aux yeux. Ah bon? Voilà. Pour une pub Ikea. Bah, et tu sais quoi, on pourrait lancer le sujet. La dernière fois que vous avez pleuré devant un truc con. Hein. On peut lancer ça. 32-28. Dernière fois que vous avez pleuré sur un truc dont normalement on pleure pas, mais vous, ça vous a fait chialer. Moi là, j'ai chialé devant la pub Ikea. On peut lancer un sujet là, 32-28. Sur ça, dernière fois que vous avez pleuré sur un truc con, et si vous aussi vous avez pleuré devant la pub Ikea, vous pouvez venir me le dire. Ah, moi je pleure tout le temps. Cauchemar en cuisine, là, c'était la semaine dernière. À la fin, il lui a offert des couteaux et tout. Il était ému. J'ai pleuré moi, devant ma télé. Moi, j'ai pleuré devant chez Aubert, c'est un magasin de mobilier pour les enfants, quand j'ai vu le prix du lit pour le bébé. Ah ouais, tu m'étonnes. C'est, ouais, là, j'ai pas mal chialé. Ouais. C'est quoi, 32-28, on peut faire ça. Et je vous montre la pub là en coulisses et on vous la met sur la page facebook.com/brouillon dans la radio. Brioche ou croissant ce matin, les amis, c'est Maître Gims. J'étais censé t'aimer. Non, je l'ai. Je me tire. Ah. Mais je voulais mettre le nouveau Maître Gims, j'arrive pas à mettre le main dessus donc. Marche pour toi. Ouf, t'as un extrait du dernier Maître Gims ou pas? J'ai tout gâché, mais ouais, tu m'abandonnes. Normalement, tu l'as? Bah non, c'est ma beauté qui s'appelle. Je te demande. Bonsoir Bruno, c'est Maître Gims. Non, je l'ai pas non plus. Je veux le dernier Maître Gims. On l'a ou pas? Ah là. Ah. Bah, hé, quasiment pile au moment où je t'ai demandé. Bah ouais. Fonfi, il a tout donné la première semaine. Il s'est dit, la première semaine, je vais montrer que je suis au taquet. Puis là, ça y est, maintenant, il est en RTT jusqu'à la fin du mois de juin. C'est grave. Maître Gims répond à brioche ou croissant? Brioche ou croissant? Go! Les deux. Patient ou impatient? Patient. Balcon ou jardin? Jardin. Bob ou casquette? Casquette. Ciseaux ou coupe-ongle? Coupe-ongle. Appartement ou maison? Maison. Popcorn salé ou sucré? Sucré. Monopoly ou FIFA? FIFA. Spaghetti avec ou sans cuillère? Sans. Roller ou skateboard? Roller. Gruyère râpée ou parmesan? Parmesan. Lunettes le jour ou même la nuit? Même la nuit. Draguer ou se faire draguer? Se faire draguer. Hey, oh là là. Il est dans l'efficacité. Ah oui, c'est pris au jeu, maître. Ouais, question pour un champion, quoi. Ah ouais. D'ailleurs, à ce propos, petit message. Si jamais vous croisez une petite brune frêle quelque part dans Paris, prévenez-nous puisque nous sommes sans nouvelles de Meryl depuis hier. Oui. Non mais en vrai on déconne, mais on commence à être super inquiet. Voilà. Hein. C'est soit elle s'est fait égorger dans la nuit, soit elle a oublié de se réveiller. J'aimerais qu'elle ait oublié de se réveiller. Ouais, ce serait sympa. Ouais. Pour que tu puisses l'égorger ensuite. Oh, j'ai jamais entendu qu'il y avait un petit oiseau. Bah, t'as jamais écouté. Hein. Au début, remets le début. Écoute. Vas-y. Oh, c'est fort. Le mec, il s'intéresse aux parties des chansons, mais les moins intéressantes. En même temps, on va pas se faire chier. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est la chanson. Voici Parakeet. About to land, after years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again, you told me. me how to fly. You drove my hand. You saved me, saved me. Septembre, c'est Fun Radio. Bon réveil la famille, il est 8h13 dans quelques secondes. Oui, bon, ça suffit avec les oiseaux. Ça suffit. Il y aura Cachemire. J'ai montré la pub d'IKEA dont je vous parlais hors antenne. Faut être parent, je crois. Ouais, faut, ouais, je pense qu'il faut être parent pour pleurer. Parce que là, moi, j'ai juste vu la mère qui était assez bonasse et la vendeuse aussi, ça m'a chauffé. Ah, mais non, comme... c'est super émouvant. Après, c'est vrai que du coup, tu nous l'avais survendu, Bruno. Moi, je m'attendais à autre chose, mais c'est hyper émouvant, bien sûr. Ou en fait, maintenant, je peux vous le dire, j'ai montré à l'équipe, c'est une dame qui va faire, une dame qui a 40 ans, genre même pas, ouais, 35 ans, qui va faire les courses avec son fils qui a 7 ans. Ouais. Et qui choisit les meubles, qui les mesure, qui drague la caissière. À la fin, il dit à sa mère, non, mais t'inquiète, je vais payer. Et il s'assoit au volant du camion pour ramener les trucs chez lui. Ouais. Et là, sa mère le regarde et ça revient sur le fils qui devient grand. En fait, on comprend qu'elle le voit toujours comme un petit, mais il est devenu adulte. Et lui dit, t'inquiète, maman, j'habiterai pas loin de chez toi. En le redisant, je peux repleurer. Mais c'est chelou, t'as un gamin qui drague une caissière et tout, moi ça m'a pas... Le mec, il comprend pas du tout les images. C'est ça. C'est-à-dire il voit qu'un enfant qui drague une caissière. C'est tout ce qu'il a retenu. C'est Eliott. Bon, on a lancé ce sujet, les amis. La dernière fois que vous avez pleuré devant un truc qui ne méritait pas qu'on pleure. Voilà. Vous avez le pleurage bête. Ça peut arriver, tu pleures de façon bête. Ouais, moi, je sais que voilà, je pleure facilement. Vous, c'est arrivé quand? Ouais, c'est ridicule. Hein. Mais j'en ai parlé à Eliott, je sais plus si j'avais dit à l'antenne, mais c'était en début de semaine dernière ou de cette semaine qu'il y avait cauchemar en cuisine. M'écoute pas, je viens de le dire il y a 30 secondes. Ah ouais, avec les couteaux. Non, mais toi, je ne t'écoute pas du tout. Désolé, autant je t'adore, autant dès que ça sort de ta bouche, j'écoute pas. Ça. Non, mais ouais, quand ils vont au marché pour choisir les produits frais, ils disent, oh, ça faisait longtemps que j'étais pas allé au marché pour prendre des pommes comme ça, des tomates, des produits frais. Ben là, j'ai chialé avec lui. C'est vraiment la même histoire que j'ai racontée. Ouais. Ouais, mais c'est quoi, je trouve que Vachier l'a mieux raconté. Ouais. Bah, je vais pleurer à cause de toi alors. 32-28, on fait de la radio ensemble. Pour l'instant, je paye de la facture. Bruno, allô, paye vos factures. Oh, il est adorable. Tous les jours, 7h15, 8h15 donc. Et pour vous faire payer votre facture, il faut, faut juste me l'envoyer. Soit vous la scannez, vous l'envoyez par mail à facture@funradio.fr ou bien vous l'envoyez par courrier à funradio, c'est au 20 rue Bayard, 75 008 Paris. Je chiale aussi des fois suivant comment Christina articule. Ça peut me faire chialer. Ça vous l'envoie, ok. C'est un bug. On part du côté d'Anctoville, dans le Calvados. Oui, allô ? Séverine ? Oui ? Bonjour Séverine. Bonjour. Quel est le seul animateur radio qui paye tes factures ? C'est Bruno dans la radio. Mais... Bravo ! Bravo ! C'est ce qu'il se dit. Comment ça va, ma belle ? Eh ben, ça va bien. Séverine, je vous ai au téléphone, donc ça va ? Ça, monsieur, fait plaisir. Tu fais quoi dans la vie du côté d'Anctoville ? Je suis secrétaire. Secrétaire dans quoi ? Dans une boîte de contrôle. D'accord, très bien. Tu m'as envoyé une facture. Ça correspond à quoi, cette facture ? Alors, cette facture, c'est une facture qui me coûte cher un peu tous les mois. C'est pour mes couches, pour les jumeaux. Ah, il fait mais pas deux points. C'est pour mes couches. Enchaîne tout de suite pour les jumeaux. 140 balles de couches ? Bah oui, il y en a deux, donc forcément, ça fait cher. Essayez, regardez, va chier en train de regarder, il prend son relevé de compte en disant merde, mais ça, c'est pas des gens. Bah, heureusement qu'il en a qu'un, finalement. Et attends, toi, pour deux, c'est en combien de temps, là, 140 balles, t'as dit ? Un mois. Bah, pour le mois. Je suis livré tous les mois, donc voilà. Ouais, donc ça fait, attends, 7 et 7, 14, c'est ça, donc 70 euros par mois ? Ouais, deux couches. Ah putain ! C'est ça. C'est pas possible, c'est des Louis Vuitton, quoi. Et encore, j'ai un prix. Mais tu sais que, et maintenant, ça se. Tu peux, comme à l'ancienne, tu peux acheter des couches qui se lavent. Ah oui, c'est ce que j'ai demandé à ma femme, mais il paraît que c'est un enfer. C'est bien, mais quand on a le temps. Ça prend un temps de fou, mais aujourd'hui, tu sais, t'as des réducs vachés, et puis vraiment, le nombre de couches énorme, c'est surtout au début, après, ça baisse un peu. C'est ça. Est-ce qu'on peut pas apprendre, est-ce que quelqu'un a déjà essayé, mais sans vanne, à apprendre un bébé à faire caca aux toilettes tout de suite? Ah non, c'est pas gérable. Je sais qu'il y a des chats qui arrivent, et c'est pas une vanne où tu peux acheter tout le kit et le chat arrive à faire pipi dès le début. Bien sûr. Le bébé, peut-être qu'il y a des kits aussi. Oui, Elliot. Vacher, il est tellement radin qu'il va sortir son enfant en laisse pour qu'il aille faire ses besoins dehors et le ramasser avec un sac. Séverine. Oui. Facture des couches, c'est cadeau, c'est pour moi. Ah, c'est génial, merci beaucoup. Je te fais des bisous, on t'envoie le salut. Bonne journée à tout le monde, bisous. Ciao. Je te rebouche ça avec un bouchon en liège, moi, et puis c'est bon. Il n'y a rien qui sort. Hein. Les techniques, on va en trouver des techniques là. Cachemire, wildcard, ça arrive sur Fun Radio. Et la dernière fois, vous avez pleuré dans une situation un peu chelou, quoi. C'était pourquoi vous en parlez avec nous. 32-28, on fait de la radio ensemble après ça. Fun Radio est la seule radio à vous envoyer à Las Vegas faire la fête avec DJ Snake. Salut, c'est DJ Snake. Fun Radio, c'est ma radio. C'est ma radio. Dès que vous entendez le double fun. Double fun. Avec deux tubes de DJ Snake à la suite. Allô ? Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous partez direction Las Vegas pour voir DJ Snake en live. Comment ça va ? Fun Radio. C'est le double fun sur Fun Radio. 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. .fr, annuaire de référence pour trouver un coiffeur. 118712.fr. Il faut absolument que je change mes essuie-glaces, moi. Qui va me faire ça pour un prix raisonnable ? Avec Oscaro.com, achetez vos balais d'essuie-glaces sur Internet. Et après, je fais comment ? Il est très simple et très économique de les changer soi-même. Sur Oscaro.com, vous trouvez toutes les références de balais d'essuie-glaces jusqu'à deux fois moins cher. Je me lance ! Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. W9 présente OVNI, l'info retournée. Bertrand Chameroy fait sa grande rentrée sur W9 ce soir en direct à 22h45 avec sa toute nouvelle émission. Retrouvez-le entouré de sa team pour des happenings, des tournements, micro-trottoirs et parodies avec des invités pour s'amuser en s'inspirant de l'actualité. OVNI, l'info retournée, ce soir en direct à 22h45 sur W9. Leclerc. En ce moment chez Leclerc, avec les super pouvoirs d'achat, deux packs de Vittel achetés, deux packs offerts. Ah, carrément, deux packs de Vittel achetés, deux packs offerts. Ah bah dis donc, c'est un super plan. Tu m'étonnes. En ce moment, le meilleur de toutes les promos Leclerc est chez Leclerc. Du 27 septembre au 1er octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Pour deux packs de 9 litres d'eau minérale naturelle Vittel achetés, deux packs sont offerts. Vend modalité dans les magasins participants. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Tous les matins. C'est Bruno dans la radio. Je l'espère bien. 6h-9h sur Fun Radio. Le son Dance Floor. 32-28, vous jouez avec nous au jeu des 30 secondes, les amis. Si vous êtes en Belgique, vous pouvez appeler le 02 85 10 000 pour repartir ce matin avec un séjour. C'est pour 4 personnes à Disneyland Paris. Vous allez fêter Halloween. Vous serez logé à l'hôtel Sequoia Lodge. Vous aurez l'accès illimité aux deux parcs. Vous voulez jouer avec nous au jeu des 30 secondes? Vous appelez maintenant. C'est à 8h30 sur Fun Radio. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this chain. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your fame. Wanna take a spin? Je vous avais dit tout à l'heure que je vous dirais sur Fun Radio le temps que pourraient consacrer les hommes au câlin par jour. Oui, oui. C'est une vraie étude qui a été faite, c'est un vrai sondage, d'accord, qui a été faite auprès de plus de 10 000 mecs. Ouais. D'accord. Et donc, le résultat, c'est 4 heures par jour. Ah, c'est 4 heures. Normal. Mais alors, j'avais une question avec la même meuf. Mais non, mais on s'en fout. C'est bah pas non, parce que précisé. Si tu peux changer, moi, je fais l'amour toute la journée. Avec une même meuf, au bout d'un moment, tu te saoules. Mais imagine, tu peux changer. C'est trop bon par jour, ça n'existe pas, les amis. Mais bien sûr que si, ça existe. 4 heures par jour. Bien sûr que si. Déjà 4 minutes par jour, déjà, tu vois. Viens avec 4 minutes par jour, déjà. Alors, j'ai des copines, elles sont capables de le faire, mais pendant des heures et des heures avec un mec, mais en one shot. Déjà, quoi, t'as pas des copines, c'est Anso, d'accord. Oui, et puis attends, c'est comment vous avez deviné? C'est pas pareil quand c'est des plans d'un soir, de temps en temps, forcément. Quand t'as un plan, tu l'attrapes et tu le lâches pas pendant toute la nuit. Moi, je me suis fait avoir comme ça, Bruno. J'ai ma meuf plan d'un soir. On a couché ensemble sans vanne au moins 6 fois le lendemain. Donc, 6 fois, peut-être, je sais pas, moi, 20 minutes. Donc, fais le calcul, j'ai la flemme. Donc, c'est tu vois, c'est 2 heures. Et après, là, aujourd'hui, bah, c'est plus la même chose, quoi. Ah, je te repose. Ouais, je me suis. Elle a tout donné au début, genre. Je pense qu'elle a dit, faut tout faire d'un coup. J'ai tout donné, maintenant tu m'abandonnes. Nous aussi, c'est ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'en fait, on a fait l'amour comme des tarés pendant une semaine. Et là, ça fait 5 ans qu'on se repose. Allez, 8h25. Wow! Sérieusement, il y a une case qui vous manque, quoi. Bruno dans la radio. 6h-9h. Alors oui, je sais, je suis quelqu'un de sensible. J'y peux rien, je peux... Ça m'était déjà arrivé, il y a longtemps, de pleurer devant une pub. C'était la pub pour le Jean Moerta où le petit garçon, il faisait un moulin dans une rivière. Je vous jure, ça m'avait ému. Et bah hier, j'ai pleuré devant la pub Ikea. Voilà, nouvelle pub Ikea. Ça m'a fait chialer avec la maman là, qui est avec son fils au magasin. Puis tu te rends compte que son fils, en fait, il est grand. Et elle, elle l'a pas vu grandir. J'ai trouvé ça touchant, j'ai pleuré. Bon, dans l'équipe, personne. Il n'y a que moi. Mais je suis désolé. Voilà, j'ai un cœur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais ça te rend touchant, Bruno. J'ai un cœur d'artichaut. Je suis un cœur d'artichaut. Il y a Charlotte qui est à Toulouse. Je vous ai demandé la dernière fois que vous avez pleuré pour un truc con. Charlotte, elle a appelé. Bonjour, Charlotte. Bonjour, Bruno. Bonjour, la famille. Bonjour. 28 ans, Charlotte, à Toulouse. Oui. Tu fais quoi dans la vie? Je ne travaille pas en ce moment. Cherche un boulot. D'accord, très bien. Si on peut t'aider, tu cherches du boulot dans quoi? Serveuse, d'accord. Oh bah, serveuse à Toulouse à 28 ans, ça devrait être trouvable quand même. Si vous avez un plan, non, c'est pas trop la période. Bah, et si vous êtes sur Toulouse, on est la première radio de Toulouse. Bah voilà la famille là à Toulouse. Allez. Mettez sur la page Facebook. Charlotte, merci. La dernière fois où t'as pleuré, c'était quoi? Oh bah moi, c'est vraiment un truc à la con. C'était un matin. J'étais mal réveillée, j'étais fatiguée et en fait, je voulais quand même aller courir. Ouais. Et en faisant en faisant mes lacets, en fait, j'en ai un qui s'est cassé. Et du coup, c'est vraiment con, mais je me suis mise à pleurer, parce que du coup, je pouvais pas aller courir, j'avais pas d'autres lacets. Enfin, ça m'a gâché ma journée. Ouais, mais tu sais quoi? Des fois, quand t'es dans un état de nerfs vraiment avancé, tu peux pleurer pour n'importe quoi. Et oui, tu peux pleurer pour des lacets. Bah, bien sûr. Mais c'est ça. Charlotte, tout va bien, il y a plus grave dans la vie. Merci Bruno. Pense à la Syrie, ma chérie, tu vois ce que je veux dire? Oh. Oui, non mais c'est sûr. Non mais c'est pour relativiser, moi je vous aide, hein, vraiment. Je te fais des bisous, Charlotte. Bisous. Ciao, ciao. Anthony, il est à Saint-Etienne. Bonjour Anthony. Bruno dans la radio. Oh, oh, oh. Tu as dit? Comment? T'as dit quoi? Bruno dans la radio. Un grand. Oh, raconte-toi! Bruno dans la radio! Alors, c'est Michel, faut marrer les corps, et vas-y, on pointe des fans, va! Ouais, c'est l'autostoppeur, je vais écraser! Eh, hey, regarde, il rapage, pop, j'ai renversé une vieille! Trois points! Bon, alors, Anthony, dis-nous donc. Anthony, la dernière fois où t'as pleuré, c'était quoi? Eh ben, la semaine dernière, devant Grise. Oh non! Ah, le film! J'ai vu, c'est passé sur Sister, je crois. Grise, ouais. C'est le film où ça chante, là, des années 70. Ouais, ouais, ouais, voilà. Mais j'ai pas pleuré, j'ai eu les larmes aux yeux, mais je sais pas. Anthony, dès le début. Ça n'a rien à voir, c'est que t'es gay. C'est, voilà, c'est tout. Aussi. Et ben voilà, tu vois, il n'y a pas de souci. Ça peut arriver au meilleur d'entre nous, mon pote. C'est ça. Anthony, je te fais les bisous. Il y a Pamela, elle est à Mérignac. Bonjour Pamela. Bonjour la famille. Salut. Salut. Bonjour ma chérie. Pamela, la dernière fois où t'as pleuré devant un truc con, c'est quoi toi? C'est la pub Royal Canin. Royal Canin. Mais pourquoi? Pourquoi c'est quoi la pub Royal Canin? Je sais pas, la chanson, le chien. Mais c'est quoi? C'est quoi la chanson? Je crois que c'est la chanson du comment ça s'appelle, de Belmondo là. Ah, Pamela, tu n'as plus la télé depuis 84 donc. Oui, c'est ça. Dernière fois où j'ai pleuré devant la pub Royal Canin, mais je t'explique, cette pub là, elle passe plus depuis 1983. Non, Pamela. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps et les du coup amis, ça m'a fait chialer. Voilà. Ouais, Natacha Campouche, on t'a reconnu. C'est bizarre de pleurer pour des pubs au Royal Canin d'il y a 20 ans. Ouais, et il y a 5 ans quand ta grand-mère est morte. Oh non, ça m'a fait un petit truc, mais ça va. J'étais en train de jouer au ping-pong, donc bon, je pense à autre chose. On te fait des bisous, Pamela. La pub Royal Canin avec le chien. La pub, elle a 35 ans. Le chien, c'est pas qu'il est mort. On en est à sa 7ème génération. Allez, DJ Snake arrive sur Fun Radio. Avec Justin Bieber. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance, électro. C'est Fun Radio. Hi, it's Neil Sazen on Fun Radio. Feder. Calvin Harris. Félix J. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Bah, pourquoi tu cries? Ah, Tu viens d'apprendre que maman venait ce week-end. Mais non, je suis énervé, là. Je viens de me raser avec un bic trois lames, ça rase super bien. Bah alors, pourquoi tu t'énerves? Eh bah parce que j'ai payé le prix fort pour mes rasoirs pendant des années, alors que le bic trois lames rase très bien, tout en douceur. Et pour pas cher! Les rasoirs Bic 3 lames, être bien rasé? Oui! Se faire tondre? Non! En ce moment, retrouvez Bic 3 et Bic Flex 3 Confort en promotion dans votre magasin. En ce moment, chez Carglass, pour toute intervention vitrage, on vous offre vos balais d'essuie-glace avant. Et en plus, c'est des Bosch. Une offre comme ça, faut pas la rater. Alors, prenez rendez-vous maintenant. Carglass répare, Carglass remplace. Offre valable jusqu'au 29 octobre dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur carglass.fr. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché. C'est parti! C'est les 4 semaines les moins chères de France chez Intermarché. Tentez de gagner l'un des 15 000 chariots d'une valeur de 75 euros et des milliers d'autres cadeaux. Pour jouer, gagnez des jetons à chaque passage en caisse. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Si vous trouvez moins cher, on vous rembourse deux fois la différence. Modalité complète, règlement et magasins participants sur intermarché.com. Jusqu'au 23 octobre. Oui, c'est exactement ça, Droppy. T'as tout compris. Tu déposes le CV et t'attends sagement la réponse. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche un job avec mon pigeon voyageur. T'es sérieux, là? Bah oui. Non, mais laisse ton pigeon tranquille. Il faut que tu télécharges Corner Job. Corner Job, c'est quoi? Une appli simple, efficace, pour trouver un job dans la restauration, le commerce, les services et plein d'autres secteurs. Mais je télécharge direct. Corner Job, téléchargez l'appli. Créez votre profil en une minute, postulez en un clic, recevez une réponse en 24 heures. Corner Job, vous commencez demain. Bougez pas, Bruno. Disneyland Paris pour Halloween. Vous allez faire la teuf là avec trois de vos potes. On vous envoie à l'occasion du festival Halloween Disney à Disneyland Paris. Il y a bien entendu l'hébergement, la demi-pension, l'entrée pour les deux parcs en illimité pour deux jours. 32-28, jeu des 30 secondes. On remet les compteurs à zéro. Vous choisissez qui vous voulez de l'équipe pour jouer ce matin. Fun Radio. Le son. Fla. Mardi 27 septembre, le point sur l'actu là en deux minutes avec Maxime Poulaouec. Salut Max. Ouais, salut Bruno, bonjour à tous et bienvenue sur Fun, la météo pour débuter. Le soleil brillera sous forme d'éclaircies sur quasiment tout le pays. Il y aura des nuages en revanche sur les pays de la Loire, la Bretagne et la Normandie avec un peu de pluie. Il fait 9 à 13 degrés ce matin jusqu'à 18 en Méditerranée. Dans l'après-midi, prévoyez 19 à Brest, 20 à Dunkerque, 22 pour Paris et Lyon et toujours de la douceur à Bordeaux avec 23 degrés, 24 à Montauban, 26 à Nîmes. 50 000 chômeurs de plus au mois d'août, une hausse inédite depuis janvier 2013, plus 1,4%. Le nombre de demandeurs d'emploi s'établit à 3 560 000. La ministre du Travail l'explique en partie par les difficultés rencontrées dans certains secteurs d'activité particulièrement affectés par les attentats. Les salariés d'Alstom mobilisés pour sauver Belfort, 1 000 à 1500 personnes manifesteront aujourd'hui devant le siège du groupe en Seine-Saint-Denis. Hier, le PDG a reçu les syndicats. Il a décidé de suspendre la fermeture du site de Belfort en attendant les mesures du gouvernement. Avant la fin de l'année, François Hollande, en déplacement hier à Calais, a confirmé le démantèlement de la jungle dans les prochaines semaines. Il reviendra ensuite pour qu'il n'y ait pas de doute sur sa volonté et sur ses intentions. Anne Hidalgo s'en réjouit. Le Conseil de Paris a validé hier le projet de piétonnisation des voies sur berge. La maire de la capitale a salué sur Twitter une décision historique, la fin d'une autoroute urbaine et la reconquête de la Seine. Un arrêté municipal doit maintenant être publié. Chaque jour, 43 000 véhicules empruntaient cette route. 2 mois de prison ferme pour Serge Aurier. Le footballeur du Paris Saint-Germain a été condamné hier par le tribunal correctionnel de Paris. Il était jugé pour des violences sur des policiers à la sortie d'une boîte de nuit en mai dernier. Il a décidé de faire appel. En football, place à la deuxième journée. Les phases de groupe de la Ligue des champions de clubs français seront sur les pelouses ce soir. Monaco recevra le Bayer Leverkusen et Lyon se déplacera à Séville. Coup d'envoi de ces matchs à 20h45. 8h34, bon réveil, bonne matinée avec Bruno sur Fun. On arrête la parlotte et on dépote. Vous êtes prêts? Ouais! 6h-9h on Fun Radio. Vous vous réveillez maintenant, soyez les bienvenus sur Fun Radio. Et ratez pas le top 3 d'Eliott. Il y a eu n'importe quoi ce matin, mais depuis 6h. Donc je préfère vous prévenir, si vous avez arrêté le début de l'émission, le top 3 s'impose. Ce sera tout à l'heure 9h du matin. T'as ressorti la chanson sur l'infusion? Ouais, ouais, alors je viens de finir ça. Mais c'est là votre délire, là, où vous faisiez la voix comme ça, la Bruno, la radio, là, comme ça là. Vous avez fait ça pendant 5 minutes, quoi. Nous comment ne faisions pas la voix, nous étions la voix. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est énorme, c'est énorme. Bon, dans la New York qui arrive sur Fun Radio, il y a DJ Snake et Justin Bieber. Let Me Love You. Il y aura Kungs, il était avec nous vendredi en live. Kungs, vidéo de Kungs en live, facebook.com/Bruno dans la radio. Et puis le dernier, Florida Pitbull. Ah non, pas du tout d'ailleurs. Il est connerie. Je croyais que c'était Pitbull. C'est un Florida. Vieux. Non, non, c'est un vieux Florida qu'on vous passe. Good feeling. J'étais encore sur Greenlight, excusez-moi, mais comme Fun Radio est constamment dans la nouveauté, quand on met un coup de frein à main et qu'on regarde dans le rétroviseur, je suis tout paniqué, les amis. Allez, jeu des 30 secondes. L'essentiel est de ne pas paniquer. Wow. Le jeu des 30 secondes. Le jeu des 30 secondes. Je sens que je vais faire un carton à ce jeu. Sur Fun Radio. Il habite à Nancy, il a 21 ans, il est ambulancier, il s'appelle Eddy. Applaudissements pour Eddy. Wow. Bruno, salut la famille. Salut Eddy. Comment ça va, Eddy ? Ça va bien, et vous, ça va ? Eh ben écoute, ça va plutôt pas mal. Eddy, tu sais pourquoi tes parents t'ont prénommé comme ça ? Par rapport à Eddy Mitchell, je crois. Ils étaient fans d'Eddy Mitchell. Ah ouais ? Ouais, il y a des Eddy, il y a des Johnny. Mais Eddy, pour moi, enfin, je veux pas être méchant, mais pour moi, Eddy Mitchell, c'est un peu un Johnny Hallyday qui a raté, non ? Non, bah, non, il a fait une grande carrière quand même. Ah bon, c'est pas le même délire. On est en train de parler d'Eddy Mitchell sur Fun Radio. Ouais, j'avoue. Le mieux, c'est qu'on accueille tout de suite Sarah, je pense. Sarah, 25 ans, Courbevoie, applaudissements pour Sarah. Ouais. Bonjour l'équipe. Bonjour. Bonjour. Bonjour l'équipe. Bonjour ma Sarah, ça va bien ? Ouais, ça va très très bien. Sarah, tu es institutrice en CE1. On dit professeur. Exactement. Des écoles maintenant, ça fait plus. Oui, oui. Professeur des écoles. Eddy, ouais. Sarah, vous jouez ce matin pour partir fêter Halloween. Du côté de Disneyland Paris, c'est un séjour pour 4 personnes que je vous offre. Une nuit au Sequoia Lodge Hotel. Il y a la demi-pension et les entrées pour les deux parcs Halloween Disney. C'est le festival Halloween Disney que vous allez pouvoir découvrir. D'accord ? Mais pour ça, bah, il va falloir gagner le jeu des 30 secondes. Vous allez choisir quelqu'un de l'équipe qui, en 30 secondes, va tenter de vous faire découvrir un maximum de mots issus d'une liste qu'on découvre au dernier moment. Celui de vous deux qui a le plus de bonnes réponses, eh bien, repart avec ce séjour. Nous sommes d'accord ? D'accord. Il faut choisir quelqu'un de l'équipe. Alors, la dernière partie, donc hier, c'était Kev Adams et Gad Elmaleh, donc forcément, ça a remis la pendule à l'heure. Et vendredi, on était parti sur quel gagnant ? Non, c'était un match nul. C'était une égalité. Ouais. Et qui avait joué vendredi ? C'était... Alors, moi, je sais que j'ai joué. Et ouais, c'était face à toi, Bruno. Eddy, avec qui tu veux jouer ? Avec toi, Bruno. Allez. Je back dans le game. Ouais. Sarah, tu veux jouer avec qui ? Avec Karina du GPI. Oh ! J'ai l'impression que Karina, elle commence. Il y a une petite cote sur Karina Siammer. Ouais, mais à chaque fois, je me bats contre toi. Toujours. Qui va commencer ? Estina. Allez, Karina. Karina, okay. Tu commences. Karina ne connaît pas la liste de mots. On met le chronomètre, Sarah, dès qu'elle a la liste entre les mains. Ok ? D'accord. Allez, Sarah, on est les meilleurs. Top chrono, c'est parti. Ok, après France 5, il y a quoi sur à la télé ? M6. Ok. France 5, oui. M6. Voilà, très bien. Pour faire une vinaigrette, tu mets du vinaigre, mais tu mets aussi de ? De l'huile, du sel, okay. Du poivre. Quand tu vas en prison, les policiers te passent les bracelets, ce sont des... Des menottes. Ok. Ce qui tient ton pied, c'est ta ? Cheville. Ok. Quand tu es en français, tu dois faire première partie, deuxième partie, troisième partie, conclusion. Une introduction, une dissertation, très bien. Rédaction. Ok. C'est ton pote, donc tu as une relation avec mon lui. Mon copain, non. Mon ami. Amical, c'était amical. On n'a pas été mauvaise. Ah, non, vous avez été très bien. Putain, dissertation, bravo. Ouais. Loin de là. Hein. J'ai fait littéraire. 5 points. Oh merde, 5 points. 5 points. Eddy, je ne vais pas te mettre la pression, mais 5 points, c'est beaucoup. Ouais, c'est chaud. Bon, et du tac au tac à mon pote, hein, d'accord ? Allez. C'est on y va. Allez. Top chrono, c'est parti. Quand quelqu'un meurt, on dit qu'il a poussé son dernier... Souffle. Ouais. Un aimant, ça fait quoi un aimant quand magnétique. Tu mets... Hein, quand tu mets un aimant devant attire, une métal... Attire, ouais, attire. Donc le verbe c'est... Ouais. Très bien. Le contraire de bas, c'est en... Voilà, quand on fait une manifestation, c'est qu'on est en, on va pas travailler. En grève. Ouais, très bien. On passe le sur le sol pour enlever la poussière, on passe le. Ouais, très bien. Le foot, ça se joue sur un. En pelouse, un terrain, très bien. Et pour garer sa voiture, on fait un. Un parking, un créneau. Oh là là là là là. Un parking. Combien ? Ouais, pour garer sa voiture, on fait un parking. Je fabrique un parking. 6 points, t'as gagné, Bruno. Bravo. Eddy, c'est gagné. Quel beau match entre dissertation et attiré, franchement. Ouais, les boules, Karina, parce qu'à chaque fois quand on joue tous les deux, c'est un bon match quand même. Mais ouais, deux matchs quoi. On devrait faire des enfants, tu sais quoi, on devrait faire des enfants, je pense. Allez. Sarah. Oui. Je suis désolé, on va t'offrir la compile Bruno dans la radio, d'accord, ma chérie. C'est bien, merci beaucoup. Eddy, pour 4 personnes, Disneyland Paris, Le festival à LOL. Yeah. À Disneyland. D'accord, mon pote. Ouais. Merci, merci, fan. Du 1er octobre au 2 novembre, vous allez vivre un Halloween drôlement terrifiant au parc Disney avec les redoutables attractions à sensation forte. Mmh. Et rejoignez Maléfique et sa bande de méchants Disney. Mmh. Oui, je suis obligé de le lire, c'est marqué. Ça. C'est ah bon, d'accord. Sinon, ils ne donnent pas les séjours. Parce que là, vous vous dites, quand vous écoutez Radio, vous dites c'est chiant. Est-ce qu'il dit oui, mais je suis obligé de le lire. Parce que sinon, ils ne pas les séjours. D'accord, ça fait partie d'accord. du truc, ça fait partie du deal. On t'embrasse, Eddie. Bisous. Belle journée, mon pote. Bravo, Karina. Bah non, bravo à toi, Bruno. Non, bravo à toi. Non, bravo. Non, vraiment, bravo à toi. Bon, vraiment, d'accord. Bravo à toi. Tu veux pas nous montrer tes pêches ? Non. 8h40, c'est Fun Radio. DJ Snake, Justin Timberlake. Let me love you, tout de suite sur Fun. I used to believe we were burning on Justin the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. C'est Bieber la voix. J'ai dit, c'est un réflexe, j'ai dit Timberlake, désolé. DJ Snake, Anna a un moment happy à partager avec nous. Elle a 21 ans, elle est à Metz, on va la voir en direct dans quelques secondes. Et puis il y aura Kongs sur Fun Radio. Let the beat. Fun Radio est la seule radio à vous envoyer à Las Vegas faire la fête avec DJ Snake. Salut, c'est DJ Snake, Fun Radio, c'est ma radio. Dès que vous entendez le double fun. Double fun. Avec deux tubes de DJ Snake à la suite. Allô ? Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous partez direction Las Vegas pour voir DJ Snake en live. Comment ça va ? Fun Radio. C'est le double fun sur Fun Radio. 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché. C'est parti! C'est les 4 semaines les moins chères de France chez Intermarché. Tentez de gagner votre voyage de rêve d'une valeur de 10 000 euros à composer vous-même et des milliers d'autres cadeaux. Pour jouer, gagnez des jetons à chaque passage en caisse. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Si vous trouvez moins cher, on vous rembourse deux fois la différence. Modalités complètes, règlements et magasins participants sur intermarché.com jusqu'au 23 octobre. Salut, c'est Antoine de Caunes. Je suis là pour vous parler de liberté. Liberté de regarder les matchs de foot de Canal+ dans votre bain. Des films pendant une cérémonie ennuyeuse, des séries en cachette au bureau. Cette liberté, mesdames et messieurs, on peut maintenant s'y abonner sans engagement dans MyCanal. Vive la liberté ! J'aurais dû faire de la politique, moi. Nouveau, découvrez Canal+ sans engagement dans MyCanal à 19,90€ par mois seulement. Et en ce moment, le premier mois est offert. Rendez-vous sur mycanal.fr pour en profiter. Offre soumise à condition. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Fun Radio. Partout dans le monde. Sur funradio.fr. Fun Radio. Fun Radio. Le son Dance Floor. But I take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love, I need it. Give me your heart, I'm bleeding. Give me your love, I need it. Oh yeah. Oh yeah. Merci d'avoir choisi Fun Radio pour vous réveiller. Hashtag Bruno Fun Radio, numéro 1 top tweet France, là depuis 6h du matin. Vous faites plaisir. Balancez vos messages, on répond bien sûr. Et on vous lit souvent à l'antenne. Beaucoup de réactions là sur le sujet qu'on avait lancé à 8h du matin quand j'ai dit que j'avais chialé sur la pub BK. Je suis content, je suis pas seul d'avoir pleuré sur la pub BK. Et bah tu vois, du coup, ça fait un côté communauté. Kongs qui va arriver. Avec Don't You Know, autre tweet là arrivé hashtag Bruno Fun Radio. Il y a quoi? Attends. Il y a une radio qui triche sur nous quand vous mettez Let Me Love You, ils le mettent deux minutes après. Et c'est Flex qui dit ça. Ouais. Skyrock triche sur vous quand vous mettez Let Me Love You, ils le mettent deux minutes après. Flex, il faut que tu saches que toutes les radios on a les mêmes disques. Hein. Donc, alors après, tu enfin vois, pas peut... toutes non plus. Hein. Oui, alors oui, les nouveautés vous les avez sur Fun Radio, ça vous le savez. Mais après, du coup, quand Fun Radio a commencé à jouer les disques, ils se jouent un peu partout. C'est normal qu'on les entende à peu près partout. C'est le mec qui appelle, oui, c'est une honte, j'ai entendu David Guetta sur une autre radio. Et aussi, ils ont des animateurs, des émissions, ils passent parfois à des pubs. Non, mais ça va pas ou quoi? Allez, moment happy. Moment happy, qu'est-ce que c'est? C'est un auditeur de Fun Radio qui partage avec nous un moment de bonheur. Et je suis persuadé que le bonheur, c'est contagieux. Par exemple, tu vois, moi, j'aurai un moment de bonheur le jour où... Ils mettront de l'huile sur ce pied de micro. Ouais, mais en vrai, Bruno, je crois que tu t'es attaché à ce grincement de micro. C'est quoi? On va bientôt changer de studio et ça... Ça va je crois que ça va me manquer. Vraiment, tu vois. Et le jour où ce sera... Ça, c'est mon ordinateur. Ça rassure. Ça. Ouais, bien sûr. On a besoin de ces petits trucs. Et ben, le jour où j'aurai plus ce... C'est vrai, t'as raison. Un moment de bonheur qu'on partage, parce que je suis persuadé que le bonheur, c'est contagieux. Et ce matin, c'est Anna, elle est à Metz. Bonjour, Anna. Salut, Bruno. Salut, tout le monde. Salut. Anna, 21 ans, tu fais quoi dans la vie à Metz? Je suis secrétaire. Secrétaire en quoi? Dans le médical. Dans le laboratoire. Très ouais. Bien. Anna, t'as un moment happy à partager avec nous? Qu'est-ce que c'est? Oui, alors moi, en fait, cet après-midi, j'ai le premier rendez-vous pour la première échographie de mon premier bébé, en fait. Oh! Ah, ouais. Génial! Oh, ouais, je suis trop contente, hein, franchement. Alors, donc, ça veut dire quoi? Là, t'es à combien? T'es à 3 mois? Je suis à 3 mois, ouais, 3 mois à peu 3 près. 3 mois, d'accord. Ouais. 3 mois, c'est bien, on sait que tout se passe bien, du coup, et tout, c'est top. Mais surtout, quoi. Elle est tellement importante, cette première, parce que c'est là où ils prennent justement les mesures des gens. Ils vont savoir si tu veux déjà avoir un grand bébé, un gros bébé, un bébé qui sera mince. Ils peuvent déjà te dire tout ça, en fait, sur la première. Si c'est un gros, du coup, tu peux l'abandonner en disant, bah, moi, j'ai honte d'avoir un fils qui sera gros. Donc c'est mais ça non, qui mais magnifique. Au moins, tu te prépares. Non, mais moi, ils m'ont jamais dit ça. Par contre, ce que je savais pas, c'est que c'est la seule échographie où tu vois vraiment bien le bébé, parce qu'il est assez petit, et que les médecins ont pas inventé d'appareil qui permet de le voir vraiment en entier au-delà. Mmh. Et moi, je le voyais sauter. Il sautait dans ma femme. Il faisait comme du trampoline. Et ça, c'est assez rigolo, ouais. Tu sais qu'on a un son de la mère d'Eliott le jour où elle a découvert sa première échographie. Ah bon? Plaisir. Ouais, bien sûr. Ouais, même le gynéco il s'est dit c'est pas normal. Tu vois, je suis enceinte de 8 mois, non? De 2. Attendez, on pensait que c'était des triplés, mais apparemment c'est la même et unique personne, madame. Elle a fait une césarienne, du coup. Mais et Anna, le truc, ouais, alors on garde, moi j'ai gardé hein, la première échographie, c'est une fève, hein, le dossier. Oui, mais tu distingues bien quand même les bras, les jambes et tout. Et puis alors parfois, ils savent te dire déjà quel sexe le sera sexe, le bébé. Ouais. C'est rare, mais. C'était le cas, mais parce que moi au départ c'était qu'une bite. Et le corps est arrivé autour. Ouais. C'est ce qui avait poussé en premier. Ouais, c'est ce qui arrivait en premier. C'est fou, hein. Et après, mon fils est né autour. Alors que moi, c'était l'inverse, quoi. Je suis sorti, personne ne savait ce que j'étais. Ouais, jusqu'à tes 18 ans, ils ont pas su. Et après, ils ont soulevé le ventre, ils ont fait « Ah, bah, c'est un garçon !» Anna, c'est génial. Écoute, tu vas vivre un moment super touchant. Tu vas avec ton chéri ou pas? Oui, j'y vais avec lui, oui. Bon, il s'appelle comment? Jérémy. D'accord. Eh bien, écoutez, vous allez vivre un bon moment. Je veux t'entendre crier « Je suis heureuse ». Je suis trop heureuse. Vu qu'on me vanne, moi, bébé, du coup, j'ai l'impression qu'on vanne une autre personne. Alors, ça me fait rire. J'ai l'impression de rigoler de quelqu'un d'autre. Merci, Eliott, de nous faire ces petites confidences. Alors, ce sera 100 euros là, pour cette séance de psychanalyse. Très bien. Je vois si j'ai un créneau la semaine prochaine entre 6h et 9h. Vous pouvez encaisser le chèque le mois prochain. Écoutez, si ça peut vous arranger, on est le 27, ça va, je suis pas ça prêt. I'm gonna rock you back. Big plan. Oh, c'est pas ça! Monte le son de l'enceinte! Ah, y'a pas les gosses, c'est qu'ils veulent monter dans le maillot ou quoi là? Don't you know? Kungs, à l'instant sur Fun Radio, dans 4 minutes, 9h! Le JPI sur Fun Radio. Journal pas en image, faux journal de l'émission, c'est tout de suite la dernière édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et pour commencer, l'info qui ne sera pas développée dans ce JPI. Les blonds vénitiens n'existent pas, ce sont des roues qui n'assument pas. Et pour commencer, Twitter, Disney envisage de racheter Twitter. Est-ce que la pètera moins la Reine des Neiges quand elle devra chanter en 140 caractères, hein? Football, la sentence est tombée hier pour avoir eu une altercation avec des policiers. Serge Aurier a été condamné à 2 mois de prison ferme. Comme au PSG, il verra des gardiens, mais de prison par contre. En raison d'un problème technique, un avion d'Air France a dû dégazer au-dessus de la forêt de Fontainebleau, provoquant la colère du maire et des habitants. Oh là là. Anthony Vosselic est bien entendu parti enquêter. Anthony ? Oui. Alors, on va tous... Qu'est-ce que vous faites, Anthony, enfin ? Problème technique, ouais. Je dégaze. Ouais. Voilà. Merci, Anthony, très classe. Voilà. Voilà, merci. Jusqu'à la fin, vraiment, toujours un peu. Et pour finir, scoop, quand elle fait le ménage, Zaz utilise du Monsieur Sale. Et bien voilà, c'est la fin du JPI. Demain, nous serons demain. Alors à demain. Les amis, ce soir, c'est à quelle heure? 22h50? 22h45 sur W9. 22h45 sur W9. Mika Rokia du JPI arrive à la télévision. Waouh! Vous savez quoi, je suis fier petit à petit, je vous vois prendre vos envols respectifs, là, vous faites vos trucs de vos côtés. Moi, je suis fier de ça. Il sera dans la nouvelle émission de Bertrand Chamerois sur W9 qui s'appelle OFNI. Absolument. L'info retournée. On aime beaucoup Bertrand Chamerois ici. Voilà. Donc, exactement, ça va déchirer. On va te mater, mon Mika. Bah, c'est gentil, j'ai pas l'impression du tout, du coup. Oui, c'est en direct, absolument. Ah oui, voilà, c'est ça. 22h45 sur W9. Ah, donc demain, tu vas être bien. Bah, non, je serai pas là, tout simplement, demain matin. Eh ben, à la différence de Meryl du Web, préviens-nous, quand même. bon courage, mon pote, ça me merci, fait plaisir. Merci tu vas défoncer. Voilà, c'est ce soir avec Bertrand Chamerois qu'on aime beaucoup. Breeze, c'est ce qui arrive sur Fun Radio. Et puis le remix de One Dance avec Alex Ayono. Ça va arriver dans le quart d'heure. Vous avez raté l'émission de ce matin. Si vous avez pris l'émission à partir de 7h30, vous avez raté beaucoup de choses, vraiment. Alors manquez pas le top 3. Top 3 d'Eliott, là, c'est juste après les infos sur Fun Radio. A tout de suite. Ce soir, 20h-22h. C'est Love in Fun avec Doc, Karel et Alice. C'est important quand on vient de se faire larguer ou quand on largue quelqu'un de se retrouver un peu seul. Oui, parce qu'apprendre à être seul, c'est apprendre à être avec l'autre. Putain, la dernière personne que j'ai entendu parler comme ça, c'était le Dalai Lama. Bientôt, je le remplace. Il est 22h. The Night Show. Avec Marion et Anso. J'aimerais qu'on parle danse avec les stars. Ah. Et ce matin, quelqu'un a annoncé sa présence à l'émission, c'est Julien Lepers. En même temps, après s'être fait envoyer valser par France 3, c'est un peu logique qu'ils se mettent à la danse. Ah ouais, Fun Radio. Jiffy des idées de génie. Bonjour, c'est Benjamin Castaldi. Étonnant, pour les 35 ans de Jiffy, Jiffy nous fait gagner 35 millions d'euros. Oui, oui, 35 millions d'euros à gagner. C'est simple, c'est gratuit, tu joues, tu gagnes. Et surtout, n'oubliez pas de me remercier. Jiffy des idées de génie. Jouez en téléchargeant l'appli Bravo Loto, 100% gratuite. Voir règlement sur jiffy.fr. Carrefour. Franck, si tu passais à la foire au vin Carrefour pour découvrir la sélection de Paolo Basso, ça commence demain. Attends, Paolo Basso, le meilleur sommelier du monde 2013? Oui, et par exemple, pour une bouteille de vin Château Grayssac 2014 achetée, la deuxième est gratuite. Ah bah ça, c'est parfait pour ma cave. Dès demain, c'est la foire au vin dans vos hypermarchés Carrefour. Par exemple, pour une bouteille de vin Château Grayssac 2014 achetée à 13,90€, la deuxième est gratuite, soit 6,95€ la bouteille. Château Grayssac 2014, Médoc Cru Bourgeois, 250 000 bouteilles disponibles. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Carrefour. W9 présente OVNI, l'info retournée. Bertrand Chameroy fait sa grande rentrée sur W9 ce soir en direct à 22h45 avec sa toute nouvelle émission. Retrouvez-le entouré de sa team pour des happenings, des tournements, micro-trottoirs et parodies avec des invités pour s'amuser en s'inspirant de l'actualité. OVNI, l'info retournée, ce soir en direct à 22h45 sur W9. Bougez pas, Bruno. Les trois meilleurs moments de l'émission compilés par Elliot. Ça a été n'importe quoi ce matin, hein. Dès 6h. Il y a eu la chanson. Tu as choisi la chanson sur l'infusion. Ouais, il y a ça, mais il faudrait faire un top 10 là. Hein, si vous... Eh ben, tu sais quoi, fais un top 10. D'accord. À tout de suite. Fun Radio. Le son. Dance. Fla. Maxime Poulaouec pour les infos, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Allez, la météo de ce mardi 27 septembre, des nuages et un peu de pluie dans le nord-ouest, partout ailleurs le soleil résistera, il fait 9 à 13 degrés ce matin, jusqu'à 18 au bord de la Méditerranée. Dans l'après-midi, prévoyez 19 à 22 degrés en moyenne, mais toujours plus chaud vers la Grande Bleue, 26 degrés. La claque pour le gouvernement, après des mois encourageant, la courbe du chômage repart à la hausse. Au mois d'août, le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 1,4%, pointant à 3 560 000. La ministre du Travail explique ces mauvais chiffres par les attentats de l'été. Jour de grève chez Alstom, les salariés de Belfort maintiennent la pression contre la fermeture de leur site. Ils manifesteront à 11h devant le siège du groupe en Seine-Saint-Denis. Hier, le PDG a rencontré les organisations syndicales. Il attend des mesures du gouvernement pour prendre sa décision. Manif également ce matin de l'intersyndicale d'Air France. Ils appellent à la grève pour soutenir 15 salariés jugés à partir d'aujourd'hui pour violence en réunion et dégradation. Les discussions autour d'un plan de restructuration avaient mal tourné en octobre 2015. L'image du DRH de la compagnie chemise en lambeaux avait fait le tour du monde. L'éducation prioritaire, ça ne fonctionne pas. La France se positionne en dernière place du palmarès pour les inégalités à l'école, selon un rapport du Conseil national d'évaluation scolaire publié ce matin. Dans les ZEP créés il y a plusieurs années, les écarts se creusent et les familles les plus favorisées sont parties. Vous toussez, c'est normal, plus de 90% de la population mondiale respire un air trop pollué selon l'Organisation mondiale de la santé qui publie un rapport ce matin. Elle appelle à une action rapide pour faire face à la pollution atmosphérique, transport plus viable ou encore gestion des déchets. Sur les terrains de football, c'est le retour de la Ligue des Champions ce soir. Deuxième journée de la phase de poule, Monaco recevra Leverkusen et Lyon se déplacera sur la pelouse du FC Séville. Les coups d'envoi de ces matchs seront donnés à 20h45. 9h03, bonne matinée à l'écoute de Bruno dans la radio sur Fun. Fun Radio. Mardi, c'est le 27 septembre, c'est Fun Radio que vous écoutez, il est 9h03. Bonjour! Fun Radio, le son Dance Floor. 24h sur 24, le son qui vous fait bouger. Sea Breath. Martin Garrix. Nouveau Martin Garrix, il est sur la compile, Bruno dans la radio. Dans les bacs depuis vendredi, il y aura Sac Noël. Qu'est-ce qui va arriver dans la demi-heure sur Fun Radio? Est-ce que je vous disais Alex Ayono? One Dance! One Dance! Version un peu soleil de Drake. Qu'est-ce qui arrive là dans la demi-heure? Il y a Christina qui est là ce matin. Bonjour à tous. On ne te l'a pas dit, mais je te le dis, ton chemisier est très transparent. Je sais. Alors bon, après, c'est vrai que t'as pas non plus une poitrine de ouf. Enfin, bah non, mais enfin, je sais. On voit quand même ton... Et alors? Le soutif et les tétons. Bonjour. Non, on voit pas les tétons, ma chère. Non, non, mais on les devine. On les devine, on les imagine. On s'imagine la tête dedans. Bon, ça va, Vacher, c'est en direct. Oui. Elliot. Moi, ça me chauffe pas, ils sont trop petits. Moi, j'aimerais bien. Tu vois, moi, ce que je m'imagine tout le temps, c'est des tétons qui imaginent qu'ils feraient 10 cm de longueur. Bah, je suis en direct. Tu mettrais le direct. Doigt et je le fais avec ma main. Tu vois, comme un bout de bois. La dernière fois. Les amis, j'ai joué à question pour un champion et les tétons, c'était les buzzers. Elliot, il est 9h05. Ouais. Ok, 9h05, il y a des gens qui se réveillent, il y a des gens qui vont au travail. Si vous voulez faire ce genre de truc, vous passez le soir dans le night show avec Marion et Enzo sur Fun Radio. Tétons. Voilà, je vous connais, ça va, les deux pervers là, ok. Allez, top 3 d'Eliott. Ne vous inquiétez pas, vous ne risquez rien. Le top 3 d'Eliott. Top, gracias mucho. Les trois meilleurs moments de l'émission compilés par Eliott, c'est le top 3. Oui Bruno, et on commence avec le numéro 3. Numéro 3. Je voudrais revenir sur le choc des générations, ce jeu qui cartonne, qu'on fait régulièrement. On pose des questions de vieux à un jeune et des questions de jeunes à un vieux. Et là, on avait deux candidats de compète. J'ai choisi trois extraits. Déjà, la rencontre entre les deux candidats, c'était du lourd. Écoutons. Oh, du vieux pour le jeune, du jeune pour le vieux. Nous sommes d'accord ? Oui. Tout à fait. Je vais écraser Léo. Oh, non. Voilà, le sujet, elle va retourner faire du tricotage. Ça se bâche. Le respect, mon petit père, enfin. Ça a commencé. C'est surtout la vieille, comme on dit, qui a Martine. Pris le dessus. Ouais, je note les prénoms, c'est moins vulgaire peut-être. C'est vous qui dites des questions de vieux et des questions de jeunes. Sur le coup, ça va, mais là, après, sorti du contexte, Martine. Elle s'appelait Martine, 61 ans. Et bah, Martoche, elle nous a sorti du lourd. On a parlé de Snapchat avec Martoche, c'est le deuxième extrait. Est-ce que t'as un Snapchat, Martine, ou pas ? Comment ? T'as un Snapchat ? Non, c'est une question. Martine. C'est genre le rire de je comprends pas ce que t'as dit, mais je vais faire semblant que je comprends, donc je fais bien joué. Est-ce que tu as Snapchat, Martine ? Oui. Ah, très bien. C'est quoi ton pseudo sur Snapchat ? Non, j'ai pas de pseudo. Ah ouais. T'as pas pris de pseudo sur Snapchat, t'as raison. Non, elle arrive, Snapchat la reconnaît directement. C'est parce que c'était après. Non, mais surtout, elle a dit oui, mais j'essaye de me dire avec quoi elle a pu confondre Snapchat. Mais moi, je suis sûr qu'elle a pas confondu, mais qu'elle tu sais, il y a des gens qui veulent pas avouer qu'ils connaissent pas. Ah oui, d'accord. Dire oui. Voilà. Elle a dit oui d'office, ouais, d'accord. Et comme aurait pu dire Martine, c'était le pompon quand on lui a parlé de Selena Gomez. Écoute. Qui est cette chanteuse américaine qui vient de devenir la première à passer les 100 millions d'abonnés sur Instagram? Witness Spritz. Witness Spritz. Non, c'était Selena Gomez. Là, elle voulait dire Britney Spears. Ouais. Là, toi aussi, tu sais pas le dire. Donc, d'accord, très bien. Et ben, ça vaut bien le coup de se foutre de la gueule de Martin. Allez, numéro 2. Numéro 2. Numéro 2, t'en parlais, c'est la chanson sur la verveine. Bon. Ouais, l'infusion. Ouais. L'infusion, la verveine. Je sais pas pourquoi vous êtes parti en impro avec Vaché. On est parti ce matin, le sujet à 6h, c'était les trucs, les habitudes, voilà, qu'on n'aime pas changer. Parce que Vaché, sa femme lui a piqué son côté de lit cette nuit, il a pas réussi à dormir, il aime bien dormir toujours du même côté. C'est ça. Et donc, on a demandé c'est quoi vos habitudes. On a une auditrice, qui était pas vieille, pourtant, mais qui a un mois. Voilà, il faut après mon repas que j'ai mon infusion, ma verveine. Vous lui avez fait une chanson dont seul vous avez le secret, écoutons. Oui. Bon, on est parti en impro, donc à 6h25, forcément, ça donne ça. En infusion, rien que le mot. Petite verveine. Infusion, et la nuit je prends mon infusion. Il y a 30 ans, tu prends des infusions. À 40, tu mets des couches, mon garçon. Je suis sûr que du lundi au vendredi, tu regardes plus belle. La vie. Et tu sors dans la rue avec ton caniche abricot pour lui faire pipi sur les poteaux. Et dimanche, tu pars au marché avec ton caddie que tu fais rouler. Infusion. Tu sais que t'es vieille, nom de nom. Infusion. Quand tu vois des jeunes, tu dis « Ah, moi non !» Vous êtes bête. Hein. C'était à 6h20. Moi, je suis genre, le jour où on aura un contrôle antidopage, on va tomber d'eau. Allez, Numéro 1. Numéro 1, je pense que ce jour est à marquer d'une pierre blanche, car si vous n'étiez pas là, je pense qu'on a assisté à la création de nouveaux personnages aujourd'hui, de gens qui vont revenir régulièrement, que j'ai surnommé les kékés. Je peux me tromper, mais c'est comme ça que je les considère. Ouais, Bruno, bah... Ils sont des kékés... Non, ils sont... on les a... Ils étaient renfermés quelque part dans le studio. Ils sont sortis ce matin et forcé de constater que peut-être qu'ils pourront revenir de temps en temps, ça peut arriver en tout cas. Pareil, j'ai sélectionné trois extraits. Je vous propose de revenir à la genèse, au commencement de tout ça. C'est à cause d'un auditeur que vous êtes parti dans ce délire, toi et Vaché. Écoutons plutôt ce que ça vaut. Regarde. Ça se dit Gaëtan, bonjour. Comment tu l'appelles Bruno, non, oh Des fois, j'ai l'impression d'être dans une secte. Bah oui, l'auditeur était tellement à fond, il a tout de suite coupé en voulant faire Bruno à radio. Et ça vous a donné l'idée de faire ces deux personnages qui sont dans leur voiture. Et vous avez lancé un disque et vous êtes parti, mais on pouvait plus vous arrêter. Réécoutez. Bruno de radio ! Tu payes dans Fatou, je te bute ! Regarde les manches de sang, regarde, écoute, regarde les enceintes, regarde, écoute ça, putain ! J'ai foutu 12 200 watts ! Mangez mon mort ! Regarde, ça s'allume sous la voiture ! Je suis sûr que je peux passer le 180 sur l'autoroute. Alors foutre les flics. Monte au sang. J'imagine le mec qui a le permis, tu sais, qui est en sous-régime pour aller plus vite. On va les avoir les 100. Ah putain, c'est n'importe quoi. Et ouais, bah là, j'ai pas pu m'empêcher parce que vous l'avez fait pendant 5-10 minutes. Et comme d'habitude, faut que ça se barre en sucette et que Vaché aille trop loin. Ah et c'est tellement drôle, réécoutez. JP, je suis pas fan parce que c'est pas, je comprends pas ce qu'il. Moi j'adore. Je comprends pas ce qu'il raconte. Ah. Mais par contre, après. J'aime bien Carina parce qu'elle est pêche. Allez, roule ici à la meuf. Allez, mets ta jupe, va. Monte ton boule, frère. Oh, j'adore cette meuf, ça fait ce que je veux. C'est quoi ton numéro 06? Attends, oh, j'ai des symptômes. Tu vois, c'est bien, parce que moi je dis que les gens qui ce matin sont arrivés à 9h05 en se disant je vais découvrir Fun Radio ce matin, allez. Oui. Je leur donne une chance. Allez. Entre les tétés de Christina et la chute avec les pêches de Carina, je pense que voilà, c'est gagné. Vraiment, ça, oui, on voit où c'était géolocalisé anatomiquement. Quoi. Je pense qu'on a, résumé l'homme, tout simplement, dans sa plus grande splendeur. Voilà, nous sommes les hommes, voilà, on est quelques milliards sur Terre. Bonjour. Allez, on y va, les amis. Alors là, ce matin, c'était choquant. Hein. Qu'est-ce que c'était surfait? On a parlé fesses, on a parlé cul. Alors, moi, vous savez, moi, ça m'a choqué. Hein. Je suis pas bien, là. Je vous le dis. Franchement. Hey, trouve pas qu'il est coincé du cul, là, ouais, c'est à toi, frère, oh. Ouais. Faire du cheval, toi. Faites un coup, ça va, les bourgeois, là, oh. Je me demandais, là, le Mika qui fait du cheval. Un peu faire du tuning sur du cheval. Tu peux mettre des néons sous un cheval. Mais ça, on peut mettre une calonne ou pas? Est-ce que tu peux mettre des sabots à un jeune talus? Oui. Des sabots à lui, frère. Vas-y, le cheval, hey, oh. Hey, je tire sur la queue, moi, je mets un aileron. Allez. Les amis, on va revenir demain. Allez vous reposer, messieurs. Ouais, vous en avez besoin. Va manger des morts, toi. Qu'est-ce qu'il dit, celui-là? Elliot de ses morts. On s'en va, les amis. Rendez-vous demain dès 6h. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse après ça, les amis? Moi, je peux pas, je peux plus. C'est pas possible. Je suis perdu. Fais comme l'oiseau. Bon, on attaque avec Martin Garrix, 9h midi, dans quelques secondes, juste après Cib, sur Fun Radio, je peux le faire. Bruno dans la radio. Oh, oh, oh, oh, voilà, voilà. This is all for your lies. Listen up for your mind. You're killing me over love. Da, da, da. Your kisses are the only doubt. I listen up from your lies. Sing me all the songs you love. Can I sing them? Fun Radio. Tout le monde me regarde. Le paysage, l'odeur, les gens, tout ça me charme. Ma grand-mère me dit Alpha, t'es le bienvenu chez toi. La fille du voisin aimerait se fiancer. Faut financer. Jolie Mariam, Mariam, je te connais comme si t'étais ma terre natale. Ce soir je suis invité à manger chez ma tata. À genoux autour d'un plat, c'est ça ma table. Aïe aïe aïe, bienvenue chez moi. Merci d'avoir choisi Fun Radio, bienvenue chez vous. C'est Mika, c'est le 9h midi, bonjour. Fun Radio. Fun Radio. Bon, j'espère que vous êtes en forme pour attaquer cette nouvelle journée. Bon courage. Si vous êtes dans les transports, déjà peut-être en voiture direction le boulot. Voici plus de 40 minutes de Sundance Floor Non-Stop dans quelques secondes avec Sac Noël, le tout nouveau. Si vous connaissez pas ce morceau, c'est une merveille, Sac Noël. Et puis Martin Garrix, il est en studio, ça bosse, ça bosse. Martin Garrix, DJ Fun Radio, ça arrive. Let's go. La radio numéro 1 sur les nouveautés. New music. C'est Fun Radio. Félix J. On Fun Radio. Feder. It's the Chainsmokers on Fun Radio. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Leclerc. En ce moment chez Leclerc, avec les super pouvoirs d'achat, un paquet de farine de blé et blé acheté, un paquet de farine de blé et blé offert. C'est de la super farine, ça. Bah évidemment, pour la cuisine, les gâteaux. Ah, les gâteaux. Gourmand. Ah bah, à ce prix-là, je veux. Du 27 septembre au 1er octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Pour l'achat d'un paquet de farine de blé et blé, cœur de blé d'un kilo, le deuxième est offert. Voir conditions dans les magasins participants. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. C'est elle offre des réductions jusqu'à moins 50% et de quoi plaire à 100%. Des jupes pour les mamans et des t-shirts pour les enfants. Des robes habillées, des jeans décontractés. Elle, c'est la semaine renversante chez CEA. Et c'est jusqu'à moins 50% jusqu'au 4 octobre. CEA. Valable sur une sélection d'articles stickés. Voir conditions en magasin et sur c-a.com. Carrefour. Franck, si tu passais à la foire au vin Carrefour pour découvrir la sélection de Paolo Basso, ça commence demain. Attends, Paolo Basso, le meilleur sommelier du monde 2013? Oui, et par exemple, pour une bouteille de vin Château Grayssac 2014 achetée, la deuxième est gratuite. Ah bah ça, c'est parfait pour ma cave. Dès demain, c'est la foire au vin dans vos hypermarchés Carrefour. Par exemple, pour une bouteille de vin Château Grayssac 2014 achetée à 13,90€, la deuxième est gratuite, soit 6,95€ la bouteille. Château Grayssac 2014 Médoc Rue Bourgeois, 250 000 bouteilles disponibles. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Carrefour.